Lors du dernier épisode de Stucom, nous avions craqué, oui, depuis l'épisode 3. Depuis l'épisode 3, nous avons donc des auditeurs qui participent à la chanson finale et je crois bien qu'ils font partie des seuls à avoir participé, donc depuis l'épisode 3, à toutes les chansons finales. On s'était donc dit que il fallait faire quelque chose. On a donc invité Bibou et Bibounette. Ça mérite bien un petit jingle en leur honneur. Oh. On aurait pu, pour la rentrée, juste toi et moi se retrouver et faire notre podcast ensemble. À la place, on a invité nos chouchous autoproclamés. Une bonne idée, il me semble. Des chansons à enregistrer, les auditeurs à motiver, pour que leur voix ils me rendent. Voilà, avec nos invités, c'est un Michel qu'on va chanter. C'est tellement bon que Bibou bande. Désolé, c'était pour la rime. Stucom Delpech, avec vous. Bibou, Bibounette, ça va être fou. Oui, c'était l'amour flou, vous vous souvenez, Bibou? Oui, l'amour oui. flou. Bibounette, Ego, on n'est pas tout seul, ça y est, ils ont dit oui. Ils ont oui. dit oui. Ils ont dit oui. Salut ils prof. Oui. Salut ça Bibou, va salut Bibounette. Eh ben, ça va bien, moi. Comment vont Et nos, vous, comment les vont invités, nos invités? Mais nous, ça va aussi. On est très contents de vous rejoindre pour cette émission. On est tout honorés et puis contents d'avoir rejoint les chouchous autoproclamés parce que vous aussi, vous êtes nos chouchous. Donc, oh, on est très contents de... Ouais, vous êtes, vous desservez ouais. les chouchous. Et pour ce soir, en plus, je m'aperçois qu'il y a une petite épiphanie puisque Michidar et moi, on ne se consulte pas pour nos divers jingles et bêtises. Mmh. Et j'avais préparé ma petite intro... que je vais vous servir du coup. Bonsoir prof, après le dernier épisode et la coupe de « mais c'est ce qu'elle disait » du montage final, les amis vont nous questionner, certains vont se croire obligés de nous monter l'un contre l'autre. Ce serait moche d'en arriver, toi et moi, à se détester et à se rejeter les fautes. Alors il faut qu'on ait raison, car cette fois c'est pour de bon. C'est parti pour la vie entière. Eh oui, mais, ouais, ouais. mais bravo, bravo. Tu vois l'épiphanie. Eh oui, non mais oh. et puis cette chanson qu'on pouvait pas caser dans une émission comme ça, qui est une très jolie chanson de Michel Delpech et on va y revenir. Des jolies chansons de Michel Delpech, il y en a des mauvaises aussi. Oui. C'est Bibou qui m'a envoyé un truc horrible. Je m'en remets toujours pas sur un restaurant chinois. C'était très très mauvais. Est-ce que c'est une photo de sa pute? Ah non. Non. Puis, ah, mais je me rappelle pas ça, Michidar. Le restaurant chinois. Ah, peut-être. Ah, si, pas. Si, exactement. C'était de Michel Delpech. Et d'ailleurs, je crois que tu m'as envoyé un message en me demandant sur Twitter s'il allait y avoir cette chanson. Et je t'ai répondu non. Ah, ok. Surtout pas, au secours. Il faudrait que j'aille écouter ça dès la fin de l'émission. T'es pas bon. Même qui crie non. Non, voilà. Un gif qui écrit, je m'en fous, je reste dans mon erreur. Donc, Bibou et Bibounette, vous êtes des podcasteurs et podcasteuses tous les deux, il me semble, puisqu'on s'est vus à Podren et on se connaît tout à fait. Par les internets avant ça. Donc, où est-ce qu'on peut vous... Mm-hmm. Où est-ce qu'on peut vous faites quoi? C'est quoi votre truc à vous? Alors, moi, je fais du crochet et du lancer de mouche. Ça, c'est mes petits hobbies. Et okay. Sinon, on fait un podcast chez Bibou et Bibounette. Voilà. Et quand, toi, quand je ne bande pas, on fait un podcast. C'était pour la rime. C'est ça, le secret de votre régularité. Et non, du coup, on fait un podcast plutôt sur la... Allez, on va dire ça classiquement, de la pop culture. On fait des quiz cinéma. On attend d'ailleurs les quiz cinéma, on est censé y en participer. Oui, c'est vrai, il y en a un qui est sous le coude. Alors, qui est déjà prêt. Figure-toi que j'en parlais encore tout à l'heure avec l'intéressé, il est en train de travailler dessus, ça devrait arriver dans pas trop longtemps. D'accord. Les gencives vont saigner. Et ça va être bien, on viendra pour venger l'honneur de Draven qui fait partie de l'équipe maintenant, on est obligé de le défendre, hein. Maintenant oui, c'est la famille. Quoi. Vous aurez le droit qu'un seul bon dralage par équipe, hein. C'est comme ça. Ah bah, je le laisse bien volontiers à qui vous savez. Ah oui, j'imagine. Tu ne montres personne avec les gros yeux. Non. Moi, râler. Jamais. Jamais. Et puis on fait des pastilles aussi. On fait des petites pastilles humoristiques depuis... quelques temps parce qu'on n'a pas trop de temps et c'est assez rapide à faire. Et sinon, on a un petit format psycho où on passe un ego du punk. Ouais, ouais. En buvant des bières. Quel enfer. De la 8-6, je suppose. Bah, évidemment. Non, non, non, on a arrêté la 8-6, c'est trop fort. Non, on est trop vieux. C'est trop mou, la neige, elle est trop dure. C'est trop dur. Oh mon dieu. Donc voilà. Et vous pouvez nous retrouver ben, principalement bien sûr sur Twitter et puis sur toutes les bonnes ondes de podcast. Podcastique voilà. Et à Podren. Voilà. Bah, je suis content de vous recevoir parce que déjà bon, c'est vrai qu'on s'est croisés en vrai à Podren, que vous nous envoyez beaucoup de messages avec des petites vidéos trop marrantes de vos enregistrements, pas de vos ébats hein, je précise. Il y a eu une petite longueur avant le... Ah, je crois qu'il y en a une qui a fuité, je crois qu'on a envoyé Michidar, on s'est trompé, on lui a dit ouvre pas. On vous écoute chez Bibou et Bibonette, on rigole bien, les quiz sont formidables. Les émissions aussi d'ailleurs, et les pastilles, j'avoue que celles que vous avez enregistrées avec le Doc Zaius pour le remake de la gloire de mon père, c'était quelque chose. C'était quelque chose, ouais. C'était quelque chose celui-là, ouais. Ouais. Ça a fait du mal aux gens du Sud. Ma maman a eu la petite larme. Au début, elle était toute contente d'entendre la voix de Pagnol parce que Zaius le fait bien. Mais après, elle a été horrifiée. Elle m'a dit, Fanny, c'est pas possible. Chez maman, ça reste quand même de l'humour. Elle me fait, non, mais c'est très bien. Mais c'est pas possible, quoi. Les mouettes, tout ça, c'est pas possible. Puis lui qui parle avec l'accent belge, c'est pas possible, quoi. Donc voilà. Donc ravi de vous recevoir, les amis. Tout à fait. Merci beaucoup. Ouais. On est très content en tout cas d'être là et je sens que c'est partagé. Donc, un vrai plaisir. Et puis, voilà. C'est vrai vous êtes les petits agnans de cette classe. Oui, c'est vrai. depuis l'épisode sur Goldman, vous nous envoyez à chaque fois vos contributions qui font le bonheur des bloppers et des petits bonus des fois que je mets. Je n'ai pas mis le 15e de toutes les choses que j'aurais pu mettre à chaque fois dans vos enregistrements, bien sûr. On a regretté d'avoir loupé les deux premiers, en fait. Mais tout le monde a loupé les deux premiers parce qu'il fallait, il fallait se dire, ils sont sérieux, ces gens-là. C'était la période... C'était la période de retour voilà, possible. Quand les émissions faisaient 20 minutes, alors que maintenant, c'est l'intro qui fait 20 minutes. Obispo, elle faisait déjà 45 minutes. Hein. On se demande bien pourquoi. Oui, on se demande. Bon, bah, un rapide rappel quand même du principe de l'émission. Hein. Donc on prend un ou une artiste ou autre chose, puisque l'épisode précédent, c'était un dessin animé et ses adaptations et comédie musicale. Et donc, on essaie de le chanter tout comme, en tout cas, on essaie de faire de notre mieux. Et surtout, on vous invite, vous, les auditeurs, à chanter à minima sur la chanson finale. Mais si vous avez envie de nous envoyer autre chose ou si vous sentez qu'il y a des artistes... De l'argent, envoyez-nous de l'argent. Envoyez de l'argent, beaucoup d'argent. Envoyez pas d'argent, sur le Patreon. On n'a pas de Patreon. Éventuellement un OnlyFans. Envoyez des 8-6 sans alcool à Ego. Il est Ego. Quoi sans alcool. Ego va peut-être ouvrir un OnlyFans, peut-être. Ah oh oui, OnlyFans Ego. Je pense qu'il y a de quoi faire. Avec des épées. Si vous aimez les épées et les gens à moitié habillés. Avec des chats. Et les peaux de loup, ça ira très bien. Alors, faut qu'on précise qu'il y a un OnlyFans, alors du coup, parce que ma mère écoute l'émission, elle va me dire, mais qu'est-ce que c'est un OnlyFans? Alors, tu expliques à ma maman ce que c'est un OnlyFans? C'est ce que je viens de dire. Si vous aimez, si vous aimez les hommes pas très habillés avec des épées et des peaux de loup, OnlyFans doit être pour vous. Voilà. Et vous pourriez aussi trouver Ego, justement, déguisé en aigle sur une peau de bête. Voilà. Vous savez qu'après, moi, j'ai des coups de fil de ma mère qui débriefe l'émission avec moi, quand même. Bonjour, la maman de Ego. Bonjour à la maman d'Ego. Bonjour, maman. Bonjour, maman. Je t'embrasse. On a un compte Twitter pour suivre tout ça. Donc, Stucom avec un 1 derrière. Je ne sais toujours pas pourquoi. @ Stucom. Et puis nous, hein, Michidar et Ego Vox, on y est aussi. On est hébergé chez les copains de Vaudio, qu'on les aime très fort. Vous pouvez d'ailleurs... Super boulot. Vous pouvez d'ailleurs laisser à chaque fois votre voix si vous vous sentez en direct en message répondeur. C'est ce que font certains de nos auditeurs. Voilà. C'est un épisode qui va être marqué par, je le dis, hein, puisque ça y est, on a évacué la chanson sur le divorce, donc les divorcés de Delpech en introduction. Ça, c'est fait. On n'en parle plus maintenant. C'est une émission qui va être vraiment sous le signe de l'amour. Voilà. De l'amour parce que Parce que Fanny et Julien, Bibou et Bibounette, évidemment, dans l'invitation, on a dit « On veut absolument vous entendre chanter une des chansons d'amour les plus désuètes de Michel Delpech, à savoir Pour un flirt. » Et vous vous êtes prêté, évidemment, au jeu. Mais avant ça, parce que moi, ça me paraissait très important, moi, j'ai une surprise pour vous. Est-ce que vous aimez l'amour ? Bien sûr qu'on aime l'amour. Ça va. Est-ce que vous aimez les trains ? Ah, bien sûr, on adore les trains. Eh bien, j'ai demandé à une collègue, copine et une habituée de Stucom, puisque c'est Lola, notre sosie officielle de France Gall, oui. qui chante aussi bien qu'elle. Poupée de cire, poupée on de embrasse. Son. Ah oui. D'enregistrer avec moi cette chanson cadeau surprise, dont je ne vous donne pas le titre, puisque c'est d'accord. en plein dans le refrain. Je ne sais pas si vous la connaissez, moi je l'ai découverte à cette occasion et j'adore. D'accord. Ok. Tu fais super bien le train. Mais oui, c'est clair. Tchou-tchou. Il y en a qui aiment s'aimer sur un lit, d'autres sur le bord du chemin. C'était « L'amour en wagon-lit », une chanson que j'ai découverte avec mon papa dans la voiture cet été. Wow. J'ai entendu la chanson qui est sur un album extra de duo de Michel Delpech qu'il a enregistré en 2006. Quand j'ai entendu cette chanson, j'ai dit « Ah, obligé, là, ça tombe trop bien !» Donc j'ai contacté Lola qui s'est prêtée au jeu, qui n'était pas facile hein, parce que c'est une chanson un petit peu Voilà. Hein, quand même. Donc je la remercie vraiment beaucoup d'avoir joué chaud, le jeu avec moi. Là. Il fait merci chaud. Beaucoup. Voilà, Bonny donc fan. Avant même de parler et Bibouki, ben oui, c'est tellement bon. Oui. Donc là, je suis ça m'a excité un peu. Ah ouais. Ouais. Ah là là, ça tombe rouge. Bien. Ça tombe bien, il va bientôt y avoir un flirt donc ça va vite le faire là. Donc avant même de parler de Michel Delpech hein, ce gros cutard. Voilà. Pardon. Pardon. Ça, ça y est. Premier dérapage. Sortez les bips. Je pense que j'ai dû sortir les bips là. Je c'est pense, sorti là, tout voilà. Seul, excusez-moi. Ah, ouais. Ça y est, Michel Muller, fallait pas l'inviter. Voilà. Fallait pas l'inviter. Ouais, donc avant d'en parler, voilà, je voulais mettre cette émission sous le signe de l'amour. Et, c'était et très mignon. Avez... Oui, c'était mignon, oui, moi, j'ai bien aimé. Et bravo, mignon, bravo à Lola, ouais. qui viendra sans doute nous voir, je pense, pour un Stucom Vanessa Paradis. Ah oui, ah, bah, oui. Ça paraît évident. C'est sûr et certain. Un Stucom, je pense, n'importe quelle voix, en fait, Lola y arrivera. Elle est capable de faire tellement de choses, on compte sur elle. En tout génial. Cas, vraiment, merci. Merci à toi Lola, merci c'est beaucoup, toujours un plaisir merci d'enregistrer beaucoup. Avec ouais. toi et bah là ça fait plaisir à nos invités, donc ça ah fait oui. du plaisir de partout, c'est partagé, merci c'est beaucoup génial. À Michidar et Lola, beaucoup de plaisir vraiment, ce plaisir. Soir, beaucoup ouais. de beaucoup plaisir, d'amour, une émission sous le signe du plaisir, du plaisir et de l'amour. Du plaisir qui est une très bonne chanson de Michel Sardou. Pour le plaisir. Ah, c'est pas là. Ah, je pensais que tu pensais chanter pour le plaisir. Ça y est, tu nous as placé l'autre Michel. Voilà. Ça, c'est oh, bah, il allait arriver, hein, ah, de toute bah. façon. Je pense, un poil plus tard. il est dans un wagon-lit, il est un peu en retard. Donc, vous nous avez évidemment chanté parce que c'était le contrat de base. Hein. Vous avez dit oui. Donc, vous étiez obligés de nous faire pour un flirt. Donc, mais vous êtes mis tous les deux devant le micro. Vous m'avez envoyé ça. C'est comme si vous étiez fait pour chanter cette chanson. Oh. Je crois, tous les deux. Moi, je vois ça. On, comme dirait l'autre, on écoute ça et on en parle après. On va faire ça, allez, ouais. On va faire ça. Pour un flirt avec toi, je ferai n'importe quoi. Pour un flirt avec toi, je serai prête à tout. Pour un simple rendez-vous, pour un flirt avec toi. Pour un petit tour, un petit jour entre tes bras. Pour un petit tour, un petit jour entre tes draps. La la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la. Je pourrais tout quitter, quitte à faire déboder pour un flirt avec toi. Je pourrais me donner pour un seul baiser volé pour un flirt avec toi. Pour un petit tour, un petit jour entre tes bras. Pour un petit tour, un petit jour entre tes bras. La la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la. Je ferai l'amoureux pour te câliner un peu, pour un flirt avec toi. Je ferai des folies pour arriver dans ton lit, pour un flirt avec toi. Pour un petit tour, un petit jour entre tes bras. Pour un petit tour, un petit jour entre tes bras. La la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la. Voilà, je me suis arrêté ici. Vous en aviez fait encore. On a encore plus. Un quart d'heure derrière, c'est ça? Ouais, encore un quart d'heure. Ça. Ouais, allez, 25 fois. Ouais. Et puis bah, on y va. Merci. C'était alors, tellement vous, mignon. Qu'est-ce que vous avez? Tellement bah ouais, c'est mignon. On vous imagine en train de vous regarder avec complicité pendant que vous mais avez c'est enregistré. Ça. C'est ce qui s'est passé en fait. C'est hein. Ça, c'est exactement ça. En fait, en plus, c'est une chanson qu'on connaît par cœur, moi et Bibou. Donc, quand on la chante, bah là, on l'a chantée avec les vraies paroles. Donc, du coup, on fait plus du yaourt. On est voilà, on suit vraiment les paroles. Mais c'est quelque chose vraiment. On se regarde dans. Bah dans les... C'est vrai que la complicité qu'on entend dans la chanson ou le sourire qu'il peut y avoir oui, dans, ça s'entend, hein, dans la vraiment. Chanson. Voilà, c'est bah ça, c'est Bibou et Bibounette quoi. C'est voilà. Et c'était une chanson qui était étrangement assez facile pour moi. Je t'ai senti à l'aise dessus. Oui. Ouais. Alors on aura peut-être l'occasion de parler d'autres chansons un peu plus tard où j'ai eu un peu plus de mal, mais celle-là, ça l'a fait. Bon, ça l'a fait Fanny, nickel. on sait que c'est une diva. Mais non, la diva, elle s'est fait bien, ça, s'est fait remettre à sa place par le prof. Ah, quoi ah oui, ah tiens, ah aussi. Ah, ouais. Ah mais décidément. Alors ça pas, soit, non, mais pas méchant, Michida, remettre mais à en sa fait, place. Ouais. Parce non mais fait, vous le savez pas, mais il nous donne des coups de trique en coulisses. Ouais, et je mais crois mais que en le fait, mot trique est bien choisi ce soir. Exactement. Non, pas du tout. En fait, j'avais la tendance à toujours partir dans l'aigu. J'avais tendance à partir tout le temps dans les aigus et Michidar m'a gentiment dit d'arrêter de faire ça, tout simplement. Que tu vas pas fermer ta j'avais gueule. Des très beaux graves et qu'il fallait arrête que j'en profite. Voilà, non, mais j'ai... Fallait... Alors, j'ai dit ça, c'est vrai. J'ai oui. dit ça, j'ai dit, ouais. T'as des beaux ouais. graves et c'est quand même dommage de pas en profiter. J'ai voilà. pas dit, arrête d'aller dans les aigus, bordel, merde. Non, j'ai mais après, tu m'as dit, voilà, tu m'as dit, t'as des beaux graves, franchement, faut en profiter. Et tu as la possibilité de monter, c'est pas donné à tout le monde, mais garde ça sous le coude. Et ouais. arrête de vouloir partir en haut, pars en bas, travaille en bas pour c'est ensuite pouvoir disait. Monter. C'est ce qu'elles disent toutes. Voilà, tout à fait. Mais... Ah, j'ai ça déjà, va être que ça, d'accord. J'ai déjà rentabilisé okay. le jingle, là, je vous le dis. Hein. Non, mais c'est une, vraiment une chanson où on a passé un très bon moment avec vous. Super. C'est, ouais, bah, vous êtes on pas... a passé un bon moment à vous, nous à aussi, vous écouter. À vous écouter. Ça s'entend. vos voix se sont bien mariées dans le morceau. C'était super chouette. Merci, merci à tous les deux. Tel un, eh ben, merci, bah, vraiment, bah, attends, on va pas arrêter de se remercier parce qu'il y en a plein d'autres des chansons. Merci, ah, bah, ouais, merci. Ah, c'est vraiment c'est sous le coup de la bouche. Hey, tout le monde soir. Debout derrière. Ouais. Ouais. Merci Michel. Faut merci Michel. Merci Michel. Jean-Michel Bertrand, merci, s'il Michel. Vous plaît. Jean-Michel. Ego, tel un Roger Federer nouvellement à la retraite, je te passe la balle puisque oh. c'est à toi. Oh. Il faudrait un jingle avant ça. Ouais, il va falloir un jingle balle. Non, un jingle... Et pourquoi on fait pas le 10 plus fort oh. Enfin, que ce soit le maximum. Et que le son soit plus fort à 10. Tant qu'il a, il va jusqu'à 11. Jusqu'à 11. C'est qu'à et peu oui. De... À... oui, dis-moi. À peu de choses près, Draven, on a l'impression qu'il dit « stanculé ». Ah, c'est vrai. Ah, toi aussi, t'as cette impression. Puisque il m'a traité de salopard devant 15 000 auditeurs et auditrices récemment. C'est vrai. Alors que moi, il a été très gentil avec moi. Ouais, pourquoi, alors que moi, je suis traîné dans la boue par notre troisième comparse. C'est très agréable. Bref, à l'image de notre maître Nigel Tufnell, nous. Ah mais non, mais attends, je me trompe. Il faut que je me taise. C'est pas nous. C'est pas nous en fait. C'est pas Draven et moi qui avons travaillé pour travaillé pour cette rubrique. Je vais est-ce que nos amis Bibou et Bibounette connaissent ou peut-être pas le groupe Ultra Vomit? Oh oui. Oui, vous connaissez Ultra Vomit, vous savez ce groupe qui a été ciré les pompes du président Macron en compagnie de McFly et Carlito en pleine crise sanitaire. C'est ça. Voilà. Eh bien, écoutez, ils sont fans aussi de Michel Delpech. Et du coup, ils ont enregistré un hommage qu'on va écouter. Alors, je vais juste préciser une petite chose pour les non-anglophones. Le moche, c'est pas M-O-C-H-E, c'est M-O-S-H. Je suis désolé, je vais faire mon Draven. C'est une danse violente à laquelle se livrent les jeunes fous et les jeunes folles qui vont en concert de métal en se rentrant dedans. C'est plus ou moins ce qu'on appelait le pogo. Voilà, cette précision sémantique est en fait. Je vous invite à écouter Pour un moche avec toi par Ultra Vomit. Et c'est parti. Les bras. Oui, c'est ça. Michel putain de Delpech. C'est génial. Quel bel hommage. C'est beau. Il a dû être content quand il a entendu. Ils se sont arrachés la gorge là-dessus. Je sais pas s'il a eu connaissance du morceau, mais je trouve là, hormis cette petite attaque politique que je viens d'avoir, je trouve le morceau assez excellent. Ouais, c'est rigolo. C'est rigolo et c'est une bonne reprise. Voilà. C'est original comme reprise de. Ouais. Mais ce n'est pas le seul hommage à Michel Delpech que j'ai dans ma hotte concernant D'accord. Pour un flirt, puisque j'ai un petit cadeau bonus à vous faire écouter. Oh. Je ne sais pas si vous connaissez l'émission Striptease. Ah, bien sûr. Feu, l'émission Striptease. Il y a des grands fans. Et figurez-vous, pendant mes vacances, j'ai regardé beaucoup d'émissions de Striptease. Alors, je rassure ma mère, ça n'est pas des Striptease que je regarde, c'est une émission qui s'appelle Striptease. Par contre, OnlyFans, ce sont des... comment expliquer? C'est le principe, en fait. Et donc, l'émission Striptease... On a perdu la maman d'Ego, c'est fini, là, elle est partie boire une bière, elle reviendra elle plus tard. Elle ne va plus faire de pub... Pour, comme aux enterrements, même, ça même pas aux enterrements. Même plus aux enterrements, c'est fini. Alors, Striptease est une émission donc documentaire vraiment du réel au plus proche des gens, où les gens posent leur caméra et ça donne des moments de vie qui sont assez incroyables, et notamment cet extrait qu'on va écouter, tiré de l'épisode Bronzé Cato. Ah oui, exact. Alors, qui est un épisode où, après les JMJ, où Oldelaf a rencontré Nathalie, pour les plus connaisseuses et plus connaisseurs d'entre nous, à Bormes-les-Mimosas, sous la houlette d'un jeune prêtre très dynamique et que moi je trouve un petit peu limite, des jeunes gens portant des t-shirts ornés de l'inscription « Bronzé Cato » partent en mission à la rencontre des touristes et des jeunes pour leur communiquer la bonne parole et si possible la foi. Et en plein milieu de ce reportage, devant mes yeux ébahis et me disant « mais le hasard fait quand même bien les choses », j'ai entendu ceci, Michidar, extrait s'il te plaît. Pour rester avec toi, je ferai n'importe quoi, oui mon Dieu et mon roi. Je voudrais t'adorer, toujours me laisser guider, car en toi, oui je crois. La la la la la la. On dirait un mix très, tu sais, de La vie est un long fleuve tranquille. Ah, mais complètement, complètement. Pour rester avec toi, je ferai n'importe quoi. Oui, mon Dieu, et mon roi. Je voudrais t'adorer, toujours me en toi. Oui, je crois. Ils sont en rythme en plus. En ce quatrième dimanche après la Pentecôte, célébrons Michel. Allumons ce passage et n'est pas c'est... le plus surréaliste de striptease. Alors, de striptease d'une part, mais même du reportage qui est assez surréaliste de bout en bout, mais c'est... striptease est souvent assez surréaliste. Donc voilà, le hasard a fait que même pendant mes vacances, j'ai été poursuivi par Michel. Oh, il est venu avec toi en vacances. Bah comme quoi. Ouais. Ce qui est amusant, et je vais faire mon prof là, deux petites secondes, ce qui est amusant, c'est que c'est pendant des siècles, en fait, la musique religieuse, souvent pour faire chanter les fidèles, prenait des airs connus et ne faisait que modifier les paroles, en fait, et permettait aux gens de chanter la prière parce que les prières en latin étaient inaccessibles. Et assez rapidement, en fait, on chantait sur l'air de quelque chose qu'on connaissait déjà en mettant des paroles... soit pour Noël, soit tout ça. Et oui, c'était beaucoup plus simple. Donc là, du coup, c'est une version extrêmement moderne et très bizarre, mais il faut se dire que ça existait. Regarde, Jésus revient dans la famille Groseille. C'est vrai que ça fait vachement penser aussi. C'est ça. La vie est un long fleuve tranquille. Et c'est Patrick Bouchité, je crois, qui chante. C'est ça, qui chante Jésus revient. Dieu de la croix, montre-nous le chemin, toi qui le connais si bien. Voilà. Et donc, toutes les émissions de Striptease sont disponibles sur leur chaîne officielle YouTube. Il y a une archive énorme. Et donc, vous pouvez tout revoir sur YouTube et de manière légale en plus. Donc, c'est formidable puisque je vous rappelle que je suis de droite et que j'aime la loi. Donc, du coup, voilà. Nous, on a acheté tous les DVD avec Bibou. C'est bien. Comme ça, on peut les regarder encore légalement. Mieux. Encore mieux. Bah, parfait. Nous sommes... voilà. Oui, tout à fait. C'est magnifique. Nous sommes dans les clous. C'est magnifique. Et quand on parle de Jésus, c'est toujours bon de parler. C'est toujours bon d'en avoir quelques-uns. Excusez-moi, j'ai besoin d'un petit moment pour me remettre. J'ai besoin d'un petit moment pour me remettre de celle-ci. Les clous. J'ai bien aimé. Elle était bien. Ah bon, merci. Elle était bien placée, celle-là. Ouais, tout à fait. Ouais. Voilà, on va perdre une grande partie de notre public catholique. C'est pas grave, on passera pas sur les radios radio chrétiennes. Radio catho, non. Radio catho, ça refusé. Va pas être possible. Bien. En parcourant les plus belles chansons de Francis Cabrel. Non, de Michel Delpech. Ah oui. Donc, alors Michel Delpech, ça, maintenant, je te le dis, hein, ce sera le jingle pour tout. Hein. À chaque fois, ce sera toujours ça, sauf que j'aurais juste à changer derrière l'artiste. C'était normal, obligé. Puis tout le monde l'attend. Tout le monde l'attend depuis Podrim. Regarde comme il est bien, je le promets. Oui, tout le monde y pense. Tout le monde y pense. En parcourant les plus belles chansons de Francis Cabrel. Non, de Michel Delpech. Voilà. Très bien comme ça. Parfait, donc, c'est parfait. Alors, je me suis déjà collé un petit peu, moi, à essayer d'être tout comme Michel Delpech. Alors, c'est la voix de Michel Delpech tardive, donc 2006 pour l'album de duo dont je vous parlais tout à l'heure, qui, en effet, tu le mentionnais pendant qu'on était en train d'écouter, tourne vachement vers la voix de Michel Jonas. Alors, même beaucoup, en fait. Et je vous assure que je n'y pense pas spécialement quand j'essaie de chanter au mieux. Je me suis calé vraiment au plus par rapport à la voix de Delpech à ce moment-là, donc en 2006, où il a un petit peu moins d'aigu et qu'il a assombri un petit peu son timbre de voix. Et c'est vrai qu'en fait, je me suis rendu compte que pendant toute sa carrière, en fait, sa voix a un petit peu évolué. Il y a des moments où il ressemble à Ferrat, il y a des moments où il va ressembler à Jonas. Ça reste un chanteur avec une voix extrêmement large, avec une tessiture, je rappelle. Hein. Tessiture, pas autre chose. Tessiture. pas se tromper. À ne pas confondre avec testicule. Donc, une tessiture. Voilà. Non, mais je fais mon prof. Donc, l'étendue des notes de la plus grave à la plus aiguë qu'on est capable de faire, de jouer, ou là, en l'occurrence, de chanter quand on est chanteur. Donc, c'est vrai que lui, il a une voix qui est quand même large, une tessiture large. Donc, il est baryton, si jamais on se cale sur les appellations des registres classiques d'opéra. Eh ben, il n'est pas si facile que ça à chanter. Parce qu'il va dans les graves, il va dans les aigus. Il maniait ça quand il était jeune. Hein, donc, le début de sa carrière, c'est fin des années 60. Où il a 22, 23, 24 ans, je crois, quand il commence sa carrière. Il est né en 46, hein, je crois. Je ne crois pas d'heure de bêtises, oui. C'est ça. Et je crois que les premières... À Courbevoie. Les premiers succès, ah, c'est quoi ? Ah, comment c'est papa, 60, il est né en 46. 60, 67, ouais. 67. Son premier tube ? C'est White is White, 69. Mais je me demande s'il n'y en a pas d'autres avant. Mais, si, il y en a eu avant. Bon, quoi qu'il en soit, c'est une voix qui est jeune, mais qui est particulièrement maîtrisée. Il est plutôt aigu, enfin aigu, médium aigu quand il est... c'est chez Laurette la première, voilà, 65. Écrite dans le train. Tout à fait. Je suis également devant Wikipédia. Donc, sauf que contrairement à d'autres personnes autour de ces micros, moi je ne les ai pas lus pendant plusieurs heures avant. Je suis juste en train de le parcourir maintenant. En parcourant le Wikipédia de Michel. Wikipédia. Je me suis rendu compte que l'article était très long et que j'avais pas le temps de le lire. Donc voilà, c'est un chanteur avec des chansons incroyables, quand même, qui sont restées des chansons connues de pas mal de monde, en tout cas de notre génération, de gens qui avons grandi dans les années 80, que nos parents écoutaient, tout simplement. C'est vrai. Moi, c'est une voix que j'apprécie, voilà, et c'est des chansons que j'aime bien, tout simplement. Je connais pas ces chansons apaisantes. Je connais pas tout son répertoire, mais en plus d'être bien et comme tu le dis apaisante, elles sont musicalement bien fichues. Elles sont pas faciles à chanter, donc c'est vraiment un chanteur à voix quand même. Ce qui manque cruellement à la variété française en ce moment. C'est un peu des chansons Madeleine de Proust, tu sais, qui te rappellent plein de souvenirs de ton enfance, des odeurs et tout. Donc ouais, c'est important. Ouais, moi c'est ce que représente pour moi Michel Delpech avec des chansons coup de cœur dont certaines j'ai eu l'occasion de les chanter avec vous et c'était extrêmement plaisant. Et toi, et touchant aussi parce que on va les entendre. Il y en a des belles, il y en a des sympas et c'était sympa à les chanter. Il y en a des biens. Il y en a des biens. C'est ce qu'elles disent toutes. Ego. Oui. Oui. Et toi, Michel Delpech ? Alors, Michel Delpech, précisément. C'est pas ton Michel, c'est ça ? Non, c'est pas mon Michel, pour le coup. Mais c'est pas mon Michel. En fait, le truc qui est marrant, c'est que je pensais connaître peu de ses chansons, mais en fait, j'en connaissais beaucoup. Et c'est un artiste qui, malgré sa discrétion, en fait, il a quand même bien marqué le paysage musical français. Mais alors, c'est marrant parce que c'est quelqu'un qui donne l'image d'être un homme tranquille et qui a eu une vie extrêmement tourmentée. Je m'appuie sur la page Wikipédia aussi, que j'ai lue avant. Oui, c'est vrai que... Je sais qu'il est né, qu'il est mort. Hein, c'est tout ce là. Non, mais c'est vrai qu'il a eu une vie tourmentée. De ce que j'en ai lu, il a eu quand même plusieurs épisodes de dépression. Hélas, il est décédé d'un cancer de la gorge et de la langue. Il nous a quittés. C'est quelqu'un qui s'est tourné vers la foi sur la fin de sa vie, d'après ce que j'ai compris. T'as l'impression qu'il a eu un peu mille vies. Moi, c'est bizarre parce que quand je le vois, en fait, pourtant, je pense que c'était quelqu'un de souriant, tout ça, mais pour moi, c'est le Jean-Pierre Bacri de la chanson française. Je sais pas. Un peu malheureux comme ça. Ouais, voilà. Triste, mélancolique. Voilà. Ouais. Et puis, c'est effectivement, alors là, je l'ai découvert en chantant ses chansons, c'est que effectivement, il est pas facile du tout à chanter, surtout pour quelqu'un comme moi qui a une voix plutôt légère et qui tend plutôt dans les aigus. C'est vrai qu'il a une tessiture très étendue, c'est une voix grave mais qui monte dans les aigus et c'est voilà, il y a la zone de tous les dangers dans le chasseur. Oh oui. Oui, Julien confirme. Mais c'est, comme tu disais, un chanteur à l'ancienne, une tessiture très étendue, vibrato incorporé hein, de série. Il hein, y a un gros travail de conduite de souffle aussi qui m'a pas mal bluffé. Ouais. Et puis pour moi, il fait aussi partie de la liste à la Prévert de Benabar dans Mariti et Gilbert Carpentier. Ils s'appelaient presque tous Michel, Paul Naref, Jonas, Delpech, Michel Fugain, Michel Berger et Michel Le Forestier. Bah oui. Voilà. La génération de Michel, tu peux rajouter ton Michel aussi. Je ne force pas sur mon Michel. Et puis, petite anecdote, ma frangine que j'embrasse, parce que je pense qu'elle écoutera l'émission, toute la famille écoute l'émission, je les oblige maintenant. en fait, a fait une partie de ses études dans le Loir-et-Cher. Et du coup, lorsque je me suis marié avec ma chère et tendre épouse, et bah, pendant le bal, on n'a pas échappé au Loir-et-Cher. Ta Loir-et-Cher est tendre épouse. Pardon. Oh, ça inusable. Tant qu'elle n'a pas été jetée dans la Loire. Non, elle n'a pas été jetée dans la Loire. L'Indre, pas la Loire. L'Indre, mais c'est l'Indre. Et donc voilà, pour la blague, on avait la chanson était dans la liste des chansons qu'on a diffusées au bal. Alors que, comme William Scheller, la dépression, mais il y a autre chose avec William Scheller. Rappelle-toi le Stucom Universe. Ah, te rappelles du Stucom Universe ? Écoute ça. J'espère que je suis bien calé parce que je viens de faire ça en tout dernier moment. Vas-y. Tu ne sais pas, Ego ? Non, je ne sais pas. Ah, je suis déçu. Écoute bien. Le Bolshoï et les tournées me font connaître des grands soirs. Mais quand je reviens chez nous, Maria Ivanovna, je suis heureux de te revoir. Comment fera ce fou de Nicolas ? Comment fera ce fou de Nicolas ? Hein ? Je te le demande, Ego. Ah, on se demande. Hein ? Eh ben, il fait des émissions avec Machida, ce fou de Nicolas. Et il va continuer. Voilà. Bon, ça va alors. Ce fou de Nicolas, c'est le titre de la chanson. Hein. Mais ouais, mais il y a eu trop de Nicolas dans les années 70-80. Arrêtez de faire des... Enfin, c'est à l'époque qu'on leur a dit, parce que là, c'est trop tard. On est là, mais arrêtez de faire des Nicolas. Il a arrêté, quoi, là. Michel Delpech, il a arrêté de faire des chansons. Il a arrêté. Il s'est dit non, c'est bon, stop. Il a tout arrêté. Oui, j'ai plus trop de ses nouvelles. On sait ce qu'il devient ou pas, Michel. Il est plus à la mode. Delpech mode. Delpech mode. Va être longue cette émission. Faut arrêter d'abuser du jingle. C'est une émission qui a été réalisée sans drogue. Je vous l'assure. Ouais, mais à un moment, faut arrêter avec ce jingle. Là, il y a de l'abus. Hein. Même nous, on n'abuse pas du poète. Hein. Bon, alors, Julien. Bibou. Oui. Ouais. Bibou, Michel Delpech, pour toi, c'est. T'as préparé ton exposé. T'as préparé ton exposé maintenant que t'as lu pendant 3 heures. T'as été à la bibliothèque. Oui, alors, chapitre 1. Alors, non, mais c'est quoi, Michel, pour toi ? Alors, en fait, Delpech, moi, j'ai un rapport un petit peu particulier avec lui. Je vais vous expliquer. J'ai grandi dans une famille où mes parents écoutaient beaucoup de musique. Mon père était plutôt rock anglais américain, donc Beatles, Supertramp, tout ça. Et ma mère était très variété française. Et en fait, j'ai connu Delpech parce que à l'époque, je devais être au collège, donc j'avais 13-14 ans. Ou peut-être un peu plus vieux, je ne me rappelle plus. Je ne sais plus en fait. Exactement. Ça marche comme âge, 13-14 ans, ouais, au collège, ça marche très bien. Et en fait, d'ailleurs, je lui fais un coucou, je pense qu'elle va nous écouter. Bisous, maman. Au collège, salut le collège. Salut le collège de Saint-Brieuc. Bonjour la maman. Bonjour maman de Bibou. Bonjour. Bonjour la maman de Bibou. Et en fait, bonjour, je me rappelle qu'elle s'était acheté une sorte de best-of avec les plus grandes chansons de Michel Delpech, qu'elle adorait mettre dans la musique. Dans la voiture. C'est pas elle a fait ça. C'est pas le disque noir master, là, les collections de best-of qui étaient sorties si, au début du disque. Je me rappelle plus. C'était sans doute un CD gravé à l'époque, mais je me rappelle plus. Et avec mon petit frère qui a 7 ans de moins que moi, on adorait chanter sur Delpech, mais vachement fort, et en chantant très mal, histoire de l'énerver beaucoup. Et on a fait ça. Les sales gosses dans la voiture, tu sais. Tout s'explique. Alors, le petit côté troll que j'ai, ça s'explique. Le côté chante mal, ça n'a pas changé forcément. Mais en fait, ça a duré. C'est pas vrai. On rigole. Ça a duré des mois et des mois. Et même en dehors de la voiture, on n'arrêtait pas de chanter les grandes chansons de Delpech, histoire de bien l'énerver. Et ça marchait très bien. Enfin, ça la faisait marrer autant que ça l'énervait. et puis au fur et à mesure, je commençais à connaître l'artiste, tu vois. Même si c'était parti d'une blague, à écouter ça de mon côté. Et je ne suis pas très variété française, mais c'est un des seuls que je peux écouter encore. en soirée, comme ça. Même pour rigoler, tu vois, je vais mettre ça. C'est ça. Cool, donc c'est voilà. Jolie, c'est et ta jolie maman aime souvenir, bien, hein, c'est cool. Il y a eu un anniversaire de Julien où sa maman et son papa étaient présents et sa maman a chanté le chanteur. Alors ça, elle me l'a rappelé et ouais, ouais, j'ai des vagues souvenirs. Elle ouais. la connaît par cœur, mais du début t'as à la fin. T'as des vagues souvenirs parce que lors de... non, il n'y avait pas d'alcool. Pendant non, cette... non, non, j'étais très jeune, j'étais peut-être un peu jeune, mais non, non. Ça doit être ça. Et moi, c'est un des seuls, c'est un des rares chanteurs qui a eu une place assez importante dans notre famille, en fait, quoi. Mmh. Et, c'est, et par exemple, ce serait, je sais pas si t'écoutes de la musique pour aller travailler ou je sais, enfin j'en sais rien, mais ça te prend de temps en temps de te dire tiens allez, paf, je me colle un petit Delpech. Non, je mettrais plus ça en fin de soirée histoire de rigoler avec un petit karaoké avec Fanny par exemple. D'accord. Je redonne encore le titre de l'album de duo qu'il a fait en 2006, qui est vraiment un truc super sympa à écouter. En plus, les orchestrations sont vraiment géniales. D'ailleurs, C'est sur cet album où il y a le chanteur. Le quand j'étais chanteur que je vous ai envoyé, c'est l'orchestration de cet album-là que je trouve génial. Les duos sont super. Le Stucom Universe revient au grand galop puisque le Loir-et-Cher est chanté en duo avec Francis Cabrel, et ça leur va, ça leur va vachement bien à tous les deux, évidemment. Parce que l'ambiance est géniale. Vraiment, vraiment, c'est un album que je conseille. Si vous ne connaissez pas trop Michel Delpech ou que vous connaissez les chansons comme ça, les chansons d'origine sont très bien. Mais écoutez vraiment cet album de duo de 2006, tous les artistes qui sont avec. Il y a, le chanteur est avec Souchon, quand j'étais chanteur avec Souchon. Elle est super belle. C'est vraiment très, très jolies chansons. Il y a un truc chouette avec Benabar, mais je ne me rappelle plus du titre. Voilà, vous savez maintenant que j'écoute Benabar aussi. Voilà. Donc, voilà. Si vous deviez, la réputation qu'on prend. Si vous deviez écouter un album de Delpech, écoutez celui-là, tandis que Fanny n'arrête pas de dire des conneries pendant. Mais c'est pas. On était censé pas se parler par-dessus. Et toi, Fanny, du coup, Delpech? En fait, donc moi, mes parents ont divorcé quand j'avais 7 ans, d'où le fait que j'ai du mal avec la chanson « Les divorcés ». Voilà. D'accord, et maintenant, on ne va plus rigoler du tout. Alors Stéphanie, aussi, Stéphanie, Fanny, en plus. Arrête de m'appeler Fanny, je crois que j'ai fait une connerie. et du coup, on écoutait beaucoup de musique française à la maison, du Jonas. On écoutait beaucoup de Michel, il y avait beaucoup de Michel à la maison. On a beaucoup de... Oui, il y avait du Michel Fugain, de Forestier. Tous les Michel que tu as cités tout mais à l'heure étaient à la maison. Non. Si, il y était aussi. Il était là. Et c'est vrai que ça a fait partie de mon enfance, bien sûr, aussi avec les musiques anglo-saxonnes. Mais c'est vrai qu'à la maison, on écoutait beaucoup de musique française. Et Michel Delpech en faisait partie. Et ça fait partie de mon répertoire que je chantonne de temps en temps. Et voilà. Et c'est beaucoup de souvenirs quand je parlais de la Madeleine de Proust, les odeurs, les souvenirs qui reviennent sur une chanson. C'est vrai que Michel Delpech, ça sent le sapin surtout. Là. C'est vrai, ça sent le sapin. Ouais. Oh, non. Il y a de quoi se faire mal à la gorge en plus. Non. Bon, allez, mais que la fin. Bon, d'accord. Oh merde. Bon, vous avez de la chance, j'ai mal calé. Je voulais mettre que la fin. D'accord. Ça n'a pas fonctionné. Okay. Ouais. On va avoir des problèmes. Comme ça, ça ira plus vite. Oui, c'est ce qu'elles disent toutes. Le pire, c'est qu'on est juste devant le PC, il y a la page Wikipédia, on est devant la sépulture de Delpech devant nous tout à l'heure. C'est ultra glauque, en fait. Attends, je vais descendre un peu. Voilà. Ah bah maintenant, c'est sur ce la dépression, la dépression et le retour de Delpech. Ah bah super. On ne coupera pas, et c'est ce qu'elle disait de cette émission. Il y en a trop, il y a trop de conneries à couper, j'ai pas envie de vous le dire. Voilà. Fallait pas nous inviter. Fallait pas les inviter. Je suis content que vous soyez là. Alors, moi aussi, et j'étais d'autant plus content que on s'est retrouvés à chanter en trio, vous et moi, quand j'étais chanteur. Rassurez-moi, vous n'avez pas chanté du trio. Non, on n'a pas chanté non. du trio. Non, ok. Mais on a chanté, les trois quand j'étais chanteur, parce que je ne sais plus. Mais si, c'était pour remplacer une autre chanson qu'on entendra plus tard, que finalement permettra de faire une rubrique Stupacom, d'ailleurs. Mais pas avec vous, du coup, avec quelqu'un d'autre qui nous a aidés. Donc on s'est retrouvés, en effet, c'était notre plan B, sachant que le plan A pour quand j'étais chanteur, c'était d'inviter Julien Gubalda qui m'avait fait part de son idée de la chanter aussi en duo avec moi. C'est pas grave, on s'est rabattu c'est le cas de le dire, tous les trois dessus. Et, oh. Et oui, on a fait un truc à trois. OnlyFans, toujours, ça marche encore. OnlyFans, ça marche encore. Vous pouvez déposer des sous dessus. Vous pouvez y aller, pas très. C'est bon. C'est super. Et donc, on s'est dit, pour que ça fonctionne, parce qu'on a eu des moments où ça ne fonctionnait pas, tout simplement. Bibou et Bibounette, il n'y a que quand vous chantez tous les deux que vous donnez votre plein potentiel. Ça permet à Bibou de d'être à l'aise, tout simplement, parce que tu as besoin de Bibounette avec toi pour chanter. Pour ça moment, marche ouais. vachement bien, quoi. Ouais. Même si on a essayé et que ça n'allait pas, mais il y avait de quoi. Mais il y avait de quoi fonctionner, mais c'était pour le mieux moment, comme ça. Jusqu'à un moment où il y aura. Mais ça besoin, rend mais tellement bien moment. Parce que la fraîcheur que vous mettez dans l'interprétation quand vous le faites tous les deux, il y a la complicité et cette complicité, elle est tellement plus importante que d'essayer d'interpréter quelque chose et de se retrouver bloqué par des angoisses ou par une limitation qu'on s'est soit imposée, oui, soit parce qu'elle est là. Ouais. Voilà, donc là, on a un quand j'étais chanteur qui a de la gueule et je me suis fait très plaisir à prendre votre piste et puis aller dire hop, tiens, je vais m'insérer, hop. Allez, hop. Et puis je vais chanter avec vous et on va écouter ce que ça donne. Allez. Carrément. J'ai mon rhumatisme qui devient gênant. Ma pauvre Cécile, j'ai 73 ans. Je fais de la chaise longue et j'ai un papy-sitter. Je traînais moins la jambe quand j'étais chanteur. J'avais des boots blanches, un gros ceinturon, une chemise ouverte sur un médaillon. C'était mon sourire, mon atout majeur. Je m'éclatais comme une bête quand j'étais chanteur. Un soir à Saint-Georges, je faisais la kermesse. Ma femme attendait planquée dans la Mercedes. Elle s'est fait jeter dans l'Indre par tout mon fan club. J'avais une vie dingue quand j'étais chanteur. Les gens de la police me reconnaissaient. Mes excès de vitesse, je les payais jamais. Mes histoires s'arrangeaient sur l'heure. On pardonnait tous mes écarts quand j'étais chanteur. Ma pauvre Cécile, j'ai 73 ans. J'ai appris que Jagger est mort dernièrement. J'ai fêté les adieux de Sylvie Vartan. Au moins il y a longtemps, c'est fini. Je comprends plus grand chose aujourd'hui, mais j'entends quand même les choses que j'aime. Chose que j'aime, et ça distrait ma vie. Toute la sainte journée, j'étais sur la route. Toute la sainte journée, j'étais. C'est pas ça? Tout en moi s'immisçait. T'as que ça à dire? Bah ouais. Mais non, mais c'était. Ouais, moi j'improvise des rubriques Beethoven était con, comme ça, là. Mais non, mais c'était. Mais je suis un salopard, officiellement, donc. Devant 15 000 auditeurs. Devant 15 000 auditeurs et auditrices, je vous le rappelle. Le monde le sait. Ma mère outrée va me demander, mais qui est ce Draven qui parle si mal de mon fils? Eh ben c'était super mignon encore. Hein. Il y a vraiment une alchimie entre vous deux et puis là plus largement entre vous trois. C'est très très mignon tout ça. Il y a une belle c'est émulsion. C'est mignon tout ça. Il y a une belle émulsion. Il y a une belle émulsion entre vous deux et même vocalement. Et puis Michidar très très à l'aise dans les graves là. C'est clair. Ça rajoute beaucoup de velouté à tout ça. Enfin bon, c'est soyeux. On a c'est déjà. Beau, c'est, on a déjà fait j'aime. Des trucs comme ça. On a pas déjà parlé du fait que c'était de l'émulsion. Soyeux, velouté, de la crème si, ou je sais pas si, quoi. Si, c'était dans quelle émission qu'on avait dit ça, c'était que j'ai. Oui, c'était toi à propos la mayonnaise, de la chantilly, que j'étais la chantilly, la chantilly. De Stucom. Voilà. Et là, du coup, c'est nous la chantilly. C'est chaud aujourd'hui. Ce soir. Là, oh là, non mais c'est... Mais bravo à tous les trois pour cette version. C'était encore une fois, c'était très mignon. Ça fonctionne très bien. C'est chouette. C'est vraiment chouette. C'est des chouettes moments là ce soir. Michidar, ta voix va super bien dessus. Ça, je trouve ça. Ouais, c'est ça parce qu'il enveloppe. Est vieux. Ça enveloppe je suis vieux. En fait. Non, alors oui, sauf que sur une autre chanson de Michel Delpech. Il y a un moment où c'est pas que j'en ai eu marre, c'est que je me suis dit je vais essayer autre chose parce que j'ai commencé à faire ce que fait souvent Ego, c'est le stupacom où je me suis dit bon attends deux secondes là c'est plus possible là je sais bien que c'est pas comme ça qu'il faut la chanter mais je vais voir donc je vais voir je vais entendre ce que ça donne histoire on de voir faire un des tests. Petit seconde non, parce que je me suis dit ok bon donc on s'est retrouvé dissipé ce soir Ego et moi oh bah on était oui. on savait que ça allait être comme ça donc on s'est retrouvé Ego et moi à chanter le chasseur. Ah, oui. Quelle belle donc chance. Rappelez-vous, faut pas boire d'alcool avant de chasser, c'est ça? Non, c'est, faut c'est pas non boire. Il faut pas chasser, c'est tout. Maintenant, ça y est. Bon alors oui, je pense spécialement à la chasse d'ailleurs, mais entre le Loir-et-Cher, le machin, etc. Je présume que c'est pour lui, c'était quelque chose de plus personnel. Ça se pratique. Oui, j'imagine. Voilà. J'imagine. Donc dans la chanson le chasseur, je vais y arriver, c'est difficile. Donc toi et moi on chante et toi et moi on a déjà pas beaucoup la même voix mais alors quand il s'agit de chanter du Delpech on a plus du tout la même voix. C'est impressionnant. Mais pas du tout, c'est-à-dire que on est tous les deux à essayer de faire du Delpech mais on a tous les deux pas du tout la même voix donc on n'utilise pas du tout les mêmes ressorts pour chanter du Delpech. Moi mes ressorts ils étaient cassés pour vous allez entendre que des fois on a l'impression que Ego à un moment c'est Ego. il y a une phrase que j'ai laissée exprès où on a l'impression que c'est un anglais qui vient d'apprendre à chanter en français. Excellent. Voilà. Sauf que, eh ben, mine de rien, je trouve que ça rendait bien et que ça faisait longtemps que toi et moi, on n'avait pas chanté en duo, finalement, même si... C'est vrai. Voilà. Et à l'occasion du chasseur, eh ben, nous voilà tous les deux. Oh, réunis. Il était 5 heures du matin, on avançait dans les marais, couvert de brume. J'avais mon fusil dans les mains, un passereau prenait au loin de l'altitude. Les chiens pressés marchaient devant dans les roseaux, par-dessus les temps, soudain j'ai vu passer. c'est des oies sauvages. Elle s'en allait vers le midi, la Méditerranée. Un vol de perdreaux par-dessus les champs montait dans les nuages. La forêt chantait, le soleil brillait au bout des marécages. Avec mon fusil dans les mains, au fond de moi je me sentais un peu coupable. Alors je suis parti tout seul, j'ai emmené mon épagneul en promenade. Je regardais le bleu du ciel et j'étais bien. Par-dessus les temps, soudain j'ai vu passer les oies sauvages. Elle s'en allait vers le midi, la Méditerranée. Un vol de perdreaux par-dessus les champs montait dans les nuages. La forêt chantait, le soleil brillait au bout des marécages. Et tous ces oiseaux qui étaient si bien là-haut dans les nuages. J'aurais bien aimé les accompagner au bout de leur voyage. Oui, tous ces oiseaux qui étaient si bien là-haut dans les nuages. J'aurais bien aimé les accompagner au bout de leur voyage. Oh là là, il est beau. Ouais. Il est beau, mon bout. Il est où? Il est beau, ton bout. Je l'ai dit, je suis désolé. Il est beau, ton bout. Au bout de ma... Il est beau. Voilà. Il y a un thème ce soir. Il y a un thème. Il est beau, il y a un thème. Bout. C'est l'amour. Ouais. C'est l'amour. C'est l'amour. Ah, c'est oui. L'amour. Mais on sent que vous êtes amoureux aussi, ah, vous deux. Dans... Ouais, mais on sent qu'on en a bavé. C'est moi, je vous dis, là, moi, après avoir chanté tout un tas d'autres trucs, là, j'ai abandonné, j'ai fait ça. Fanny, tu sors. Je veux une exclusion pour Fanny. J'ai pas entendu ce qu'elle a dit. L'amour baveur. Prof, tu lui fais un mot, elle va chez le CPE. Ouais, donc ouais, j'ai sorti la voix de Serge Lama et de Jean Ferrat à la place. Tout pas comme. Tout pas comme du tout. J'ai abandonné. Oui. C'est très lyrique, là. On pourrait mettre ça dans une ouais, église en fait, avec la résonance et tout. Bon, c'était sympa quand même. Ça reste une chanson qui n'est pas évidente. Mais ça reste une magnifique chanson. Et moi, le choix de la chanson a été immédiat. Par contre, quand tu m'as prévenu qu'on allait faire l'émission sur Michel Delpech, le pauvre qui doit faire là des 360 degrés dans sa tombe avec toutes les bêtises qu'on raconte. Mais je trouve que la chanson, déjà, moi, j'aime bien les histoires. J'aime bien les chansons qui racontent des histoires. Et là, c'est une belle histoire et puis qui est doublée d'une évocation qui est un peu surannée, mais qui est d'une grande douceur. Je pense que c'est... Alors, on va donner un petit peu les coulisses rapidement, mais Julien voulait la chanter aussi, et je pense que... J'allais en parler après, justement. Ouais, mais je pense que c'est cette histoire qui te touche, toi aussi, Julien, du coup. Parce que moi, alors j'ai la chance maintenant, depuis quelques années, d'habiter à la campagne, en fait. Et en fait, je m'aperçois que j'adore ces ambiances, ces chemins de campagne au lever du jour ou à la tombée de la nuit. C'est un truc, j'adore marcher. Et je vais vous refaire mon imitation. Moi, je fais du boulot facile, je marche et tout le monde sait marcher. Voilà, c'est tout comme Mike Horn. Ça faisait longtemps quand même. Et c'est vrai que cette chanson m'évoque beaucoup d'images. Et puis, enfin voilà, je vais laisser Julien parler. Parce que tu as commencé ta phrase il y a trois minutes. C'est ça. Et donc, Julien, je voulais savoir si c'est cette ambiance qui t'avait parlé toi aussi à la base. Bah, comme je disais tout à l'heure, c'est une chanson que j'écoute depuis assez petit à la maison. Et étrangement, j'en parlais avec Michidar l'autre fois, je pensais naïvement qu'elle était facile à chanter, tellement je l'ai dans la tête depuis tout petit. Et quand j'ai voulu, parce qu'à l'origine, je voulais la chanter tout seul, c'était un peu le deal aussi, que ça soit ma chanson à moi. Ouais. Et j'en ai pas été capable. J'ai essayé de toutes les voix aiguës, les voix un petit peu plus graves. Tu vois, j'ai essayé de trouver ma zone, comme vous parliez tout à l'heure. Et j'ai pas réussi le truc, c'était trop compliqué, il y avait trop de variations de hauteur. Oui, c'est une chanson qui est compliquée à chanter. Et moi, alors là pour le coup, j'ai voulu vraiment coller au concept de l'émission pour une fois. Je me suis dit, allez Nico, tu te fais violence et tu vas aller chercher la voix de Delpech. Et pour moi, il y a eu le vibrato qui était compliqué à placer dans les graves pour moi. Et puis il y a justement le fameux bout dont on parlait tout à l'heure qui est... Top Gun 2 fait un carton au cinéma, c'est la Danger Zone. C'est la zone de tous les dangers. C'est passer de la voix de tête à la voix de poitrine en l'espace de deux notes. Enfin, c'est de la voltige, du coup. C'est de l'inverse, du coup. Mais oui, tu repasses aussi après dans l'autre sens. Ouais, tu repasses après. Et moi, c'est vraiment le deuxième passage. Vraiment redescendre de la voix de tête à la voix de poitrine où je m'y suis repris à plusieurs fois pour la placer, quoi. Et j'avais un coup de cœur pour la chanson, vraiment, mais... Delpech, de par sa tessiture, m'a mis à l'épreuve, quoi. Parce que c'était... Je vais faire une petite parenthèse qui n'a rien à voir avec ce que je viens de dire il y a deux secondes. Il faut savoir qu'avec cette chanson, en 1979, Michel Delpech a été élu chanteur favori des chasseurs français. Messieurs, dames. Oui. Et qu'en 1981, le chasseur français, le magazine. La revue, le magazine, le chasseur français, lui a remis une coupe et sa chanson est devenue l'hymne de plusieurs fédérations de chasseurs. Et hélas, je n'ai pas pu trouver d'archives de chasseurs chantant à la fin d'un repas de chasse. Une pétasse, ça vaut bien. cette merveille, mais ça me fait un peu mal au cœur, je dois le dire, mais je trouve la chanson, superbe. Je trouve vraiment la chanson superbe. Donc, est-ce que toi, Julien, par contre, il y a cette évocation, pourquoi tu t'es dit, cette chanson, je vais la choisir et je vais la chanter, en fait. C'est ça qui... Bah parce que, alors honnêtement, je pensais qu'elle était facile à chanter. Tout simplement, en fait, tu t'es dit ça. Ouais, oui, parce que c'est une de mes chansons préférées de. Mais de pourquoi Delpech, c'est ta préférée Pourquoi c'est une de tes préférées et je ne sais pas, Echo, je ne sais pas. Allez, tu vas t'allonger sur et le après, divan. Je pense que ça rejoint après ce que tu disais par rapport à l'ambiance. Enfin, tu vois, la campagne, tout ça, c'est vrai que de tous les. Enfin, à chaque fois qu'on partait en camping-car, les voyages qu'on a faits. L'endroit qu'on a préféré où se poser et où on était le plus détendu, ça a toujours les endroits à la campagne. Mmh. Et c'est vrai que le lever du soleil ou le coucher du soleil sont des moments hyper calmes et apaisants où tu vois la nature aussi qui se réveille, soit qui s'endort. Mmh. Enfin, c'est vraiment une vie à part. Et moi, je ne suis pas pour du tout la chasse. Hein. Ce n'est pas quelque chose que je cautionne. Mais c'est vrai qu'il y a quelque chose qui parle de la campagne dans cette chanson, d'apaisant, quelque chose... Mais j'ai connu, moi, dans mon entourage, quelques chasseurs qui étaient des bons chasseurs, je dirais. On va pas rentrer dans le sketch. Non, c'est bon. Mais qui étaient des... Bon chasseur, qui n'étaient pas ce qu'on appelle des viandards. Qui étaient des gens qui aimaient vraiment beaucoup la nature et qui me disaient, bon, effectivement, bah, y a des fois, voilà, on tire un coup de fusil, on tue un animal, mais qui considéraient la chasse comme un moment vraiment de communion avec la nature. Et je veux bien les croire, même si je suis pas le... Enfin, voilà, je suis végétarien en plus, donc je suis vraiment pas l'ami des chasseurs. Ouais. Mais je peut entendre de la part de gens raisonnés et qui pratiquent pas ça complètement ivre et pour massacrer des animaux qui sortent de cage et qui savent pas où ils habitent, que ce soit un moment de communion avec la nature. Je peux l'entendre en tous les cas. Mais en fait, c'est même pas finalement tant une chanson sur la chasse que ça, parce que ça parle quand même d'un mec qui décide de poser le fusil pour juste profiter. Tout à fait. De la nature, voilà, qui profite des oies sauvages, qui s'en vont, qui repartent. On parle de la migration, on parle de beaucoup de choses quand même. On parle de la nature, quoi. La migration, c'est les oiseaux qui volent. Non, stop. Non. Arrête là. Non. S'il vous plaît. J'aime bien les inconnus. On fera un jour un tout comme les inconnus au passé. Ah, mais avec grand plaisir. Oui, il y a deux quoi. Vice versa. Vice versa. Ça me rappellera les rap tout aussi, j'adore. Ah, oui. Ça me rappellera le jour où j'ai croisé Didier Bourdon qui m'a demandé l'heure. Et j'étais tellement éberlué et je suis tellement fan de Didier Bourdon qui est mon inconnu préféré que j'ai bafouillé un espèce de ah, j'aime beaucoup ce que vous faites, il est 21h02 merci, je vous adore, je vous aime. 21h03 maintenant. J'ai vomi. Mais cette chanson du chasseur, moi m'a mis devant, comme je le disais tout à l'heure, devant un dilemme. C'était se rapprocher de la voix de Michel Delpech ou me montrer sous mon meilleur jour vocal, ce que je fais souvent. Oui. Je suis d'accord. Oui. J'ai l'impression que tu sors de ton cadre en fait. C'est un nouveau jingle. Oui. Minet désigne un garçon dont le comportement aguicheur est semblable à celui d'un petit chat. Voilà, c'est donc bon. C'est la rubrique du Minet où je vous propose de découvrir du coup le chasseur. Allez. Avec ma voix de Minet. Oui, je ah veux oui. Il était 5h du matin. Alors, on avançait dans les marais. C'est pas le bon. Couvert de brume. En parcourant les plus belles chansons de Michel Delpech. Alors, évidemment, c'était pas le connard. Bon évidemment. Voilà, alors. Voilà, on est content d'être venu. Hein, vous êtes témoin devant les 30 auditeurs. Les 30 auditeurs. C'est tout comme. Après les 15 000. C'est pas un salopard, c'est un connard. Oh là là, tu enlèves celle-là, t'es sûr? Oui, t'inquiète oui, pas oui, et oui. Tout, vous étiez là. On les est témoin, il lui a dit, on est témoin, il lui a dit 20 fois oui, c'est celle-là, tu retires. C'est ce qu'elle disait. c'est ce qu'il disait. Pendant que je suis en train de chercher, là. Oh là là, je suis pas dans le bon dossier en plus. Ouais, bah, voilà, parlez dans votre micro, maintenant, c'est mieux quand vous faites du maintenant, podcast. Maintenant, il faut tout refaire et tout. Voilà, bah, bravo. Et oui, c'est ça, de faire des duos à la dernière minute. Moi, ça me et donc, ça va être ta voix de Minet. Ça y est, j'ai la voix de Minet. Ça y est, normalement, c'est bon. C'est parti. Allez. Il était 5h du matin. On avançait dans les marais. Couvert de brume. J'avais mon fusil dans les mains, un passereau prenait au loin de l'altitude. Les chiens pressés marchaient devant dans les roseaux. Par-dessus l'étang, soudain j'ai vu passer les oies sauvages. Elles s'en allaient vers le midi, la Méditerranée. Un vol de perdreaux par-dessus les champs montait dans les nuages. La forêt chantait, le soleil brillait au bout des marécages. Ah là là. Tu as fait l'amour à nos oreilles. Hein. Je cite ce que tu as dit pendant l'extrait. Hein. Je ne dirai pas autre chose, mais alors là, je fais l'amour à vos oreilles, il a dit. On vous l'a dit, hein, c'était voilà. Vraiment, ah oui, c'était vraiment une émission. C'est toujours une émission pleine d'amour. Ça déborde donc, de tous les côtés. Voilà. Là, j'ai... c'est ce qu'elle disait. Titre. Là, j'ai forcé le trait, mais voilà comment, si j'avais fait un c'est à peu près comme ou c'est pas du tout comme, comment je l'aurais interprété. Mais là, je me suis dit, non, ego, tu vas faire tes devoirs correctement, tu vas essayer de chanter comme Michel Delpech. Bon. Mais c'est pas la dernière rubrique qu'on a à propos du chasseur. Ah. Et non. Et non. De nombreux mélomanes non comprenants sont persuadés que Beethoven était non-entendant. C'est faux. Ah oui. Beethoven n'était pas sourd. Il était Beethoven con. Était con. Et oui, j'avais Beethoven des... était Pardon, effectivement désolé. Con. Voilà, l'extrait qui parle. Bah, je sais pas, tu t'as laissé un blanc, moi. Je... Connard. Je couperai, hein. Je couperai les connards, je ne les mettrai pas. C'est la bonne ambiance dans votre couple, hein, quand même. Oui, hein, t'as vu, c'est bien. Hein. Ouais, c'est bien. Parce qu'on ne s'est pas vu Beethoven depuis longtemps. Beethoven était... Attends, j'y arrivais ou quoi? Il me manque. Beethoven était effectivement con, car voici ce qu'on peut faire avec très peu de talent énormément et énormément de mauvaise foi. Voilà, c'est parti. La mauvaise foi, on y arrive. J'avais de si jolis défauts, j'étais rêveuse, j'étais coquette. Un peu naïve, mais pas trop, pour ne jamais perdre la tête. Eh ben. Voilà, j'ai pris les plus fins mélomanes de m'excuser, mais oui, je me suis pris à chanter l'air de la misère pardon, sur la musique du chasseur. Les Misérables, tiré voilà, de la comédie musicale Les Misérables, enfin du drame musical plutôt Les Misérables, oui. Parce que c'est pas très très drôle. Non, pas vraiment, non. Les Misérables, un roman de Victor Hugo, donc qui a été adapté en musique par Claude-Michel Schönberg, Alain Boublil et Jean-Marc Natel pour les paroles originales, puisqu'elle a je été. Je te coupe, tu également... sais que j'ai le vinyle et que je connaissais les chansons par cœur. Mais quand oui. J'étais petite, de la comédie musicale des Misérables. Eh bien, figure-toi, ma chère Boublette. Que j'ai entendu cette comédie musicale dans l'autoradio de mes parents, littéralement. En boucle, que je connais les chansons par cœur aussi, et que les beaux cheveux, ah, les beaux cheveux que voilà, tu me les vends, laissez-moi, allez-vous-en. Julien, viens, on les laisse. Là tu peux nous brancher sur un karaoké, je pense que c'est foutu. Ouais. Mais voilà, c'est une comédie musicale qui a toute mon affection. Je la trouve. Voilà, je l'ai redécouverte à l'âge adulte et j'ai trouvé ça aussi bien que quand j'étais enfant. Je trouve que la partition est formidable. Je trouve que l'adaptation par Alain Boublil et Jean-Marc Natel est vraiment très, très belle. J'écoute très peu de comédies musicales, mais celle-ci a vraiment... Et elle reste juste par rapport au roman. Et tout à fait, c'est ouais. Bien. Même ouais. Pour, s'il y a des personnes qui ont du mal à lire Les Misérables, parce que voilà, ça reste lourd, oui. C'est Victor Hugo et tout. Mais la comédie musicale rend bien... oui, elle fait honneur au bouquin et vraiment c'est, pour moi c'est vraiment, vraiment une réussite. Alors par contre je vous déconseille de regarder l'adaptation avec Hugh Jackman si vous ne voulez pas vomir à force d'entendre des vibratos les vibratos interminables de Hugh Jackman. Cette parenthèse sur Hugh Jackman étant terminée, on va s'écouter un petit extrait que j'ai préparé, j'espère que ce sera le bon, mon cher Michidar, où on va entendre. Comment dire, si notre... je te montre mon doigt du milieu niveau podcasting, ça se passe comment? Il est en train de te faire les gros yeux. Où attention. On va entendre notre Michel Delpech et j'ai volontairement coupé l'autre Michel. Pourquoi doit-on tirer pour s'élever contre le meurtre de ses idées? Et pourquoi dominer pour renverser à leur tour les dominateurs? Et en quoi espérer quand les cartes du jeu sont truquées? Souviens-toi des jours heureux. Souviens-toi de nos aveux. Lorsqu'en ajoutant ton âge à mon âge, nous ne comptions pas 40 ans à deux. Souviens-toi de nos aveux. Souviens-toi. toi des jours heureux de dentelle, fleurs au corsage et ruban où l'amour bégaye, un argot charmant. Souviens-toi de nos aveux, souviens-toi des jours heureux. Est-ce que c'est pas beau ça? Michel Delpech qui donc a prêté sa voix pour l'enregistrement officiel sur disque de cette formidable comédie musicale. Et on retrouve aussi pas mal de jeunes chanteurs français à l'époque, dont un certain Michel S, dont nous parlerons dans un hypothétique Stucom S. dédié. Mais c'est, je trouve que la voix de Delpech est particulièrement touchante dans cet enregistrement. On y retrouve tout son lyrisme, toute la suavité dont il était capable. Et moi Les Misérables, je pense que je pourrais en parler pendant des heures avec Bibounette ou avec n'importe qui. Alors. Je veux pas, mais peut-être un jour ferons-nous un Stucom Les Misérables. Ah, peut-être. Peut-être, hein, je sais pas. L'émission dernière. Oui, alors non. Ça va pas être simple. C'est un spectacle que je ne connais pas très bien, qu'il va falloir que je découvre, parce que tout simplement, je pense qu'un jour, je vais le faire jouer à mes troupes, à mes élèves. Toujours d'actualité. À cette occasion, oui. J'aime beaucoup Les Misérables, le roman et l'adaptation cinématographique. Alors, pas celle avec Ventura, celle avec Jean Gabin. Deux. Ouais. Voilà, que j'adore. Mais qu'est-ce que je cherche là dans Wikipédia et je ne trouve pas. Il chante quel rôle? Je ne sais plus. Je sais que le Michel S. Oui. chante. Alors, on va faire la recherche en direct. Hein. Je crois que c'est indiqué sur la page Wikipédia. Je trouve pas. Peut-être de la comédie musicale. Peut-être. De la comédie musicale, ouais. Dans peut-être Wikipédia, plus sur la comédie, ouais. Je ne vois nulle part qu'il a participé à. Alors, c'est d'accord. Peut-être écrit quelque part, mais je ne le vois pas. Ah oui, oui, c'est ce que j'ai vérifié justement. Je prépare un petit peu avant de. Entre Les Misérables et la deuxième partie de l'histoire qui se passe pendant les révoltes parisiennes et notre prochaine chanson. Tout à fait. J'ai envie de dire que le lien est tout trouvé. Hein, tout à fait. Il y a un grand lien. Puisque, il y a un grand lien. Puisque la République. Tout à fait, la République qui était réclamée par les. Par Enjolras et par... comment est-ce qu'il s'appelle, le copain de Cosette? Gavroche? Non, c'est son frère, ça. Marius. Marius, merci. Marius. J'étais en train de chercher. Voilà, donc Enjolras, que j'ai en tête parce que c'était Serge Reggiani qui l'interprétait dans le film. Donc là, on a fait une autre très, très, très célèbre chanson de Michel Delpech, que Marianne était jolie. Et toi et moi, on l'a chantée ensemble, Fanny. Et c'était vachement bien. Hein, oui, ça a nécessité qu'on fasse un petit peu du travail ensemble. Hein. Oui, bah c'est là où justement tu m'as refait descendre en me disant que voilà, il fallait que j'arrête de démarrer trop haut et qu'il fallait que je travaille, que je démarre même quand je chantais plus bas, parce que justement j'avais la chance d'avoir des graves. Ok, j'ai la chance d'avoir des aigus, mais j'ai la chance d'avoir des beaux graves et qu'il fallait que je commence en bas, tout en ayant cette possibilité de toujours monter et de redescendre aussi vite, quoi. Donc du coup, maintenant, tu sais qu'en fait, quand je chante, parce que je continue toujours de chanter, bah, malheureusement, ça n'a pas suffi pour qu'il pleuve beaucoup en Bretagne, mais maintenant, quand je chante différemment, en fait. J'aborde les chansons, même que je connais par cœur, je les aborde de l'autre côté. Et c'est pas mal. Très bien. Bah, écoute, en tout cas, je suis content que ça ait fonctionné pour toi et pour notre duo, du coup, qu'on va écouter de suite. Qui était un très bon moment. Tout à fait, Marianne, que Marianne était jolie. Tout à fait. Elle est née dans le Paris 1790, comme une rose épanouie au jardin des fleurs de lys. Marianne a 5 enfants qu'elle élève de son mieux. Marianne a maintenant quelques rides au coin des yeux. Dieu, mais que Marianne était jolie quand elle marchait dans les rues de Paris en chantant à pleine voix. Ça ira, ça ira toute la vie. Mais que Marianne était jolie quand elle embrassait le cœur de Paris en criant dessus les toits. Ça ira, ça ira toute la vie. Il n'y a pas si longtemps que l'on se battait pour elle, et j'ai connu des printemps qui brillaient sous son soleil. Marianne a 5 enfants, 4 fils qu'elle a perdus, et le 5e à présent qu'elle ne reconnaît plus. Dieu, mais que Marianne était jolie quand elle marchait dans les rues de Paris en chantant à pleine voix. Ça ira, ça ira toute la vie. Quand elle embrassait le cœur de Paris en criant dessus les toits. Ça ira, ça ira toute la vie. Qu'est-ce qu'elle chante bien, ma bibounette. Qu'est-ce qu'elle chante bien, ta bibounette. Tellement fière d'elle. Ouais. Ah, ouais. Tu peux. Il a les yeux, il transpire la fierté, ça fait trop bien. Toi aussi, monsieur Darmé, je sais. Tant qu'il a les yeux, il sent la fierté. Ah, moi, je dis, ça va. Ça sent l'amour, ça transpire l'amour. C'est l'amour. C'est l'amour. C'est ça. C'est beau. Ah, c'était... Bon, il y a quelqu'un d'autre qu'on aime. Il y a David. David Rampillon, plus d'être très talentueux, il s'est proposé donc à Bibou et à Bibounette pour faire des arrangements. C'est vrai. Qui nous permettent d'entendre deux autres chansons très célèbres qui sont pas des numéro un les deux, mais White is White est numéro un, mais Lorette non, mais c'est le premier succès de Michel Delpech. White is White, c'est la chanson qui parlait justement du festival de White, qui avait lieu en 69 sur l'île de White, et qui fait un peu le parallèle avec le festival de Woodstock, qui n'a eu lieu qu'une année ou deux ans. Pardon. Voilà, alors que le festival de White a toujours lieu. D'ailleurs, il y aura les dates au mois de juin 2023 qui sont posées et tout. Et, vous y allez ? Non. Prenez le bateau. Non, on ne prendra pas le bateau. Et White is White fait écho aussi à la musique du groupe Los Bravos de 66, qui était Black is Black, qui a été repris par Johnny. Ce con. Ah oui. Voilà. Johnny, on t'a perdu là. Et White is White, je la dédicace à ma maman. Coucou maman. Parce que c'est une chanson qu'on chantait beaucoup quand j'étais petite, toutes les deux. Et voilà. Donc bonjour maman. D'accord, c'est donc pas une chanson sur Barry White, je suis déçue. Non, pas du tout, pas du tout. Je pensais que c'était une chanson sur Barry White et sur Bob Dylan. Je savais pas qu'ils avaient fait des trucs ensemble, White is White, Dylan is Dylan. Ok, d'accord, c'est normal. Et tu sais que Dylan, il n'était pas en plus au festival de... De Woodstock, il n'y était pas. De White. À White, il n'était pas non plus. Il n'était pas au début, il y est allé après, mais Donovan y était. Mais il fallait quelque chose pour rimer avec Donovan. Non, mais on ne lui en veut pas. Ah. On ne lui en veut pas. Alors, avant ça, donc, alors Laurette, qui aurait pu être une chanson, qu'on aurait chantée avec, avec Bibou. Oui, celle-là aussi, j'ai pas réussi. Désolé. Voilà. Oui, celle-là aussi, j'ai pas réussi. J'ai pas fait mon travail, monsieur. Mon chien mangeait ma flûte. Yago a mangé mes devoirs. Mon chien mangeait ma flûte. C'est exactement ça. Ouais, c'est, ma feuille s'est envolée, je suis venu reparti chez moi. Voilà. Alors, j'ai eu la semaine dernière, j'ai eu ça, moi. C'est vrai ouais, c'est, oui. Non, mais, désolé, prof. Moi aussi, monsieur, mais j'étais en voiture, la fenêtre était ouverte. Ouais, c'est ça. Mm. C'est bon, c'était vous, moi, merci. Non, sois pas désolé, c'est pas grave. Ça m'a permis de faire un Stupacom. Alors, je vous explique ce qui s'est passé. Wow. David, en plus d'avoir fait l'arrangement sur la chanson donc, chez Laurette, m'a en plus envoyé sa prise de voix dessus. Une prise de voix très aérienne, chantée de manière très intimiste, très proche du micro, que j'ai dans un premier temps, moi, accompagné pour en faire un duo et chanter comme je l'aurais fait normalement, donc plutôt proche de ce que fait Delpech. Serge Lama. Delpech, Serge Lama, Michel Jonas, etc. Mais en fait, je me suis... Un des Michel je lui ai envoyé, je lui ai dit, écoute, on peut la passer. Et il me dit, ouais, mais non, mais là, ça ne va pas du tout, parce que nos deux prises, elles sont tellement différentes que ça sonne pas. Et je n'allais pas demander à David, qui avait déjà fait et les musiques de Laurette, de White is White, et la prise de voix de Laurette, je n'allais pas lui demander de refaire encore une prise de voix. Je me suis dit, tout simplement, je vais donc pouvoir faire un Stupacom, c'est-à-dire que je ne vais absolument pas chanter comme Delpech chanterait Laurette, mais je vais me caler sur ce qu'a fait David, compris dans la manière de chanter et d'essayer de coller à la particularité de son interprétation. Oh, quel exercice. Et oui, et toujours un duo. Merci David, en tout cas. C'est merci une belle expérience. Des bisous, David. Pour faire chanter David, je ne sais pas comment tu as fait, mais... Ah, j'ai rien demandé. On a des dossiers pour faire chanter David. À Goldman, oui, c'est vrai. Il a chanté à Goldman. Et il a chanté sur scène à Podrenne. Exact. En plus. C'est vrai, c'est vrai. Et oui, il y a des photos et des vidéos. Il y a des preuves. Sa façon de nous appeler ses gosses, on voyait bien qu'elle nous aimait beaucoup. C'était chez elle que notre argent de poche disparaissait dans les machines à sous. Après les cours, on allait boire un verre. Quand on entrait, Laurette souriait. Et tout à coup, nos leçons, nos problèmes disparaissaient quand elle nous embrassait. C'était bien chez Laurette, quand on faisait la fête, elle venait vers nous, Laurette. C'était bien, c'était chouette, quand on était fauché, elle payait pour nous, Laurette. Et plus encore, afin qu'on soit tranquille, dans son café, il y avait un coin pour nous. On s'y mettait pour voir passer les filles. Et j'en connais qui nous plaisaient beaucoup. Si par hasard on avait l'âme en peine, Laurette seule savait nous consoler. Elle nous parlait et l'on riait quand même. En un clin d'œil, elle pouvait tout changer. C'était bien chez Laurette. On y retournera pour ne pas l'oublier, Laurette. Ce sera bien, ce sera chouette, et on reparlera des histoires du passé chez Laurette. Ce sera bien, ce sera chouette, et on reparlera des histoires du passé chez Laurette. Ouais, David qui s'est complètement approprié la chanson par son arrangement et par son interprétation que j'ai essayé dans une manière de chanter qui est un petit peu lointaine de ce que je fais d'habitude. Donc c'était le Stupacom Delpech du coup, mais le Stupacom David de Montpellier. Voilà. Bravo David. Encore une fois des bisous à David. Voilà, et on n'a pas fini avec David puisque c'est David qui a fait votre instrumental à Bibounette et à toi Ego sur lequel vous avez chanté. Oui, Ego m'a rejoint. Et oui. Oui, sur l'île des petits hippies. Sur l'île des hippies. Sur l'île des hippies. Et je n'ai toujours pas entendu cette version. Et qui non, m'a rejoint. Tout à fait, c'est normal. Et ben moi non plus, ça va être une découverte complète. Il est possible qu'il y ait des chœurs à un moment aussi. Ah. Mais si c'est ça, Toi aussi, tu es venu dans l'île nue. Un petit plan à trois. voilà. Bibou, il est où? Bibou. Bibou, reviens. Bibou, reviens. Il faut peur, les garçons. White is white, Dylan is Dylan. White is white, Viva Donovan. C'est comme un soleil dans le gris du ciel. White is white, hippie, hippie, hippie, hippie, hippie, hippie. Ils sont arrivés dans l'île nue, sans un bagage et les pieds nus, comme un cyclone inattendu. Comme une fleur avant la saison, comme une pluie de papillons, à laquelle on n'a jamais cru. White is white. C'est comme un soleil dans le gris du ciel. White is white, hippie, hippie, hippie, hippie, hippie, hippie. Toi qui as voulu t'emprisonner, as-tu le droit de condamner celui qui cherche à s'évader? Chacun mène sa vie comme il veut. Tu ne peux plus baisser les yeux, car aussi vrai que tu es né. White is white, Dylan is Dylan. White is white. C'est comme un soleil dans le gris du ciel. soirée. Hip hip hip hip hip hip hip hip. C'est comme un soleil dans le gris du ciel. White is white, hippie, hippie, hippie. Tu ne connais pas Jean-René, Ego? Non, je ne connais pas Jean-René. Jean-René est le créateur du personnage de Roger Roger dans la première version de Starmania sur scène. Et tu dois le connaître probablement pour une chanson qui s'appelle « Là-haut dans les étoiles ». Oh mon Dieu! Oh mon Dieu! Oh, je viens de comprendre. Alors, sans méchant. Oh, je viens de comprendre. Alors, l'allusion. Sauf que l'allusion que j'ai faite pendant qu'on l'a. Jean-René, sa voix qui était empreinte de lyrisme un petit peu exagéré par moment, rien à dire sur sa voix. Hein. C'était la chanson qui posait le plus de problèmes. C'est toi que Draven va traiter de salopard, là, pour le coup. Tu as quand même poussé, et on viendra à Bibounette après, mais tu as quand même poussé assez loin le lyrisme dans ta voix sur White is White. Oui, j'étais obligé, une fois encore, pour respecter, je te dis, c'est l'émission où vraiment j'essaye de faire Stukom, ouais. D'un chanteur qui est assez, voire très éloigné de mon répertoire. Et forcément, il a fallu que je mette en place pas mal de choses, de chants à l'ancienne, comme on dit, pour me rapprocher du timbre de ce cher Michel. Et toi, Bibounette, on en parlait, mais c'est vrai que vers le grave, tu es mais bien ouais. À l'aise et ça ressort vachement bien. Et Je pensais pas me sentir... J'étais ravi de faire ce duo avec Bibounette, mais pour le coup. Tu vois, c'est quelque... En plus, on l'a pas du tout fait ensemble. On n'a pas du tout travaillé ensemble. Et là, vraiment, White is White, j'ai vraiment travaillé dessus avec les conseils que m'avait donné Michidar sur Marianne. Mmh. Et du coup, j'ai vraiment travaillé sur du grave en travaillant vraiment cette octave-là. Mais vraiment, le résultat avec Ego, c'est... Franchement, je trouve ça magnifique, quoi. Voilà, ça me touche beaucoup. Mamounette, elle est pour toi. J'ai rien touché. Bibou, j'ai rien touché, je promets. Mamounette, elle est pour toi. Enlève tes sales pattes de là. Bisous, franc. Coyote. Non, vraiment, elle est très très belle et le fait, les arrangements, la voix d'Ego, c'est merci d'avoir participé, Ego. C'est un très beau duo. Avec un grand plaisir, Mamounette. Ah oui, cœur sur toi, mon chouchou. Ah, mes chouchous. Si vous saviez comme je vous aime, c'est un truc de fou. Vous savez pas. C'est gentil. Voilà. Merci beaucoup. Ah, c'est beaucoup d'amour cet épisode. Oh là là. Oh là là. C'est beaucoup. Merci. C'est vraiment beaucoup d'amour cette. Alors c'est beaucoup. On en a plein, ça déborde. Beaucoup d'amour. C'est ce qu'elle disait. C'est beaucoup d'amour, mais mais ça va pas durer. Ah. Ça va chier. Michidar, jingle s'il te plaît. Et pourquoi on fait pas le 10 plus fort? Enfin, que ce soit le maximum. Et que le son soit plus fort à 10. C'est enculé. Il va jusqu'à où? Enculé, hein. Enculé. Je suis désolé, hein, je l'entends. Hein. Je sais pas pourquoi, j'en sais rien. Ça se trouve, il y a un message caché de Draven à mon endroit. Eh bien oui, à l'image de notre maître Nigel Tufnell, Draven et moi-même ne nous laissons arrêter par aucune barrière sonore et nous dépassons les frontières du bon goût en moins de 12 parsecs pour votre plus grand plaisir. Oh yes. Alors, avec le camarade Draven, on s'est dit que, ok, White is White, les hippies, tout ça, c'était formidable. Donc, on vous a préparé un petit truc, mes chers Bibou et Bibounette, et par avance... je présente mes excuses à la maman de Bibounette. voilà, à Françoise. Eh bien, Françoise, je vous présente vraiment toutes mes excuses. pour ce qui va suivre, puisque White is White est visiblement une chanson que vous aimez beaucoup. C'est une séquence donc qu'on a spécialement préparée à l'occasion, et puis que je voudrais dédier amicalement, puisque moi, le podcast Stucom, c'est le podcast de la famille et des copains, et des amis même, et je voudrais dédier amicalement à Rennes et Aurélien, qui nous écoutent régulièrement. Je vous embrasse, mes petits hippies. Ah, bisous les hippies. Bisous les hippies, et puis navrez par avance pour ce qui va suivre. Allô, salut Draven, c'est Ego. Hey, salut mec. Bon, écoute, comme tu le sais, on reçoit Bibou et Bibounette dans la prochaine émission. Ah ouais, c'est deux hippies là. T'as dit le bon mot, faut qu'on fasse quelque chose. Je pense pouvoir te proposer un truc. Comme tu sais, les hippies détestent le death metal, ou plutôt le trash metal, si on veut être précis. Alors le trash metal, ça s'écrit avec un H, hein, c'est T-H-R-A-S-H. Le trash metal, c'est un style de metal qui est apparu au début des années 80, issu du heavy metal. Il se développe surtout aux États-Unis, en Allemagne et au Royaume-Uni. Les groupes Megadeth, Metallica, Slayer et Anthrax sont reconnus par le grand public et la presse spécialisée comme les leaders du genre. Ok. J'ai pigé. On s'y met ? Ok, excellent. White, c'est mort ! Dylan, c'est ringard ! White, c'est mort ! Casse-toi, Donovan ! J'aime pas le soleil, je préfère le gris du ciel. White, c'est mort ! Cassez-vous les hippies ! Les hippies ! Ils ont débarqué à moitié nu. Samuel Pola, c'est une équipe. Ma fille est sapée comme des comme Ferra, ils ont toujours raison. Pas moyen de les virer de la maison. À moi la bombe coûte bien la White, c'est mort. Dylan, c'est ringard. White, c'est mort. Casse-toi, Donovan. J'aime pas le soleil, j'préfère le gris du ciel. White, c'est marre. Cassez-vous les hippies. Les hippies. Putain de bordel de merde. Cassez-vous les hippies. Mais c'est génial. C'est pas cool, man, franchement. Moi, je vous emmerde et je rentre à ma maison. Donc, encore un énorme merci à Draven qui m'a pondu cette version trash metal de l'enfer de White is White. J'adore. Ça a été un plaisir de préparer ça avec lui, comme d'habitude. Ah, ultra vomite peut aller se rhabiller. Hein, c'est clair. Et moi aussi, je préfère le gris du ciel, alors comme ça, ça tombe bien. C'était génial, merci beaucoup. Il y a eu quelques petits AVC chez certains hippies, là, il me semble. J'avais des cigarettes, des clopes, faites pas chier. Ah, c'était excellent, merci c'est beaucoup. C'est super. Ouais, c'est excellent. Voilà, petite dédicace à vous, les amis. Merci beaucoup, j'adore. Merci Draven. On en reparlera. Ouais, tout à fait. Je viens d'ailleurs de le remercier in live tweet, parce que là, franchement... Il s'est targué d'un petit hé, merci. Excellent. Non, mais vraiment, Draven. C'est apporte... pas moi qui ai fait le plus dur. Alors, Ego. Titre. C'est ce qu'elle disait. Voilà. C'est le moment. Mais c'est vrai que, voilà, on l'a déjà dit avec Michidar, mais l'arrivée de Draven dans l'équipe nous permet de développer cette rubrique jusqu'à 11 à des extrémités que je n'aurais pas soupçonnées. Donc, mais c'est bien, merci, ça élargit merci, aussi merci le spectre. Merci encore à toi, camarade. Ouais. Ah, la bande de fascistes. Horrible. La bande de fascistes. Complètement incroyable. Fasciste. C'est complètement buc. Eh bien, c'était super. Bravo. Super. Quelle belle manière de clore Déjà toute cette voilà. partie. Et encore mes excuses que... à Françoise. Et on n'arrête pas. Tu me diras, t'as mis des bips pour cul alors qu'on a dit bien Pierre dans l'émission. Oui. C'est vrai. Mais je me suis dit que pour une fois, j'allais un peu châtier ma rubrique. Franchement, chapeau. Donc on arrive à la fin. Alors la fin, en tout cas notre dernière partie. Hein, alors vous la connaissez. Hein, Stucom, c'est le podcast qui vous fait chanter. Ah oui, c'est vrai qu'on arrive à cette partie. On est déjà à la fin de l'émission. Eh oui, on est déjà à la fin de l'émission. On aurait dû faire plus de chansons, prof. Ouais, je suis pas sûr que Michel Delpech en avait écrit assez. Bah, il a fait quand même, moi je sais, j'ai noté, attends, bouge pas, 256 chansons il a fait. 256, bah, on aurait peut-être pu en faire 249 de plus. C'est oui, vrai. Voilà, non, histoire de dire que ça dure plus longtemps. En tout cas, c'était vachement bien de vous avoir avec nous. Maintenant, là, il va falloir parler. On a raconté beaucoup de bêtises quand même. Ouais, un petit peu quand même. Mais c'était bien. Ça fait du bien parce que c'est un épisode de rentrée. Il fallait lancer la saison en ce 26 septembre parce qu'on n'a pas réussi à faire ça avant. Et c'est pas plus mal parce que tout le monde a pu envoyer sa voix en temps, en heure, en retard. Pas de problème. J'avais juste quelque chose à dire, Michidar. Oui, dis-moi. Bon anniversaire. Ben oui, parce que vraiment, c'était un mois de septembre assez chargé. Et à toi c'est aussi, vrai. Ben oui, Fanny. C'est vrai que oui. Mathieu. Hein. Arrête de m'appeler par mon prénom, ça me perturbe. Je crois que j'ai fait une connerie à chaque fois. Fanny. Fanny. mais tu t'appelles pas Fanny sur Twitter ou, Non, Bibou. Ah non, je suis pas sûr. Hein. Ah si, Fanny Nini. Ouais, c'est pour ça. Imagine les gens, ils sont fans de toi là tout de suite. Ouais, là, mais ils après, te on chercher. Va encore parler de la conspiration des Fanny, qu'on est partout et qu'on gère le monde. Mais à Starry Flash, j'aurais dû appeler Julien Stoney, tu me diras. Quoique voilà. En ce moment, t'as changé de nom. C'est plus ça, c'est quoi? C'est de nouveau Stoney. Ah, je crois que c'est. Non, c'est Stoney, il me semble. Comment qu'on vous trouve sur Twitter? Alors, il y a un chez Bibou Bibounette. Oui. C'est mais ça, sinon... chez Bibou et Bibounette, Fanny Nini 13, voilà, vu qu'il faut donner des noms. Et Bibou, toi, c'est... Et moi, c'est Stony ou Julien de Rennes. Ah oui, deux, ah oui, avec c'est le chiffre 2. Julien de Rennes. C'est Rennes. Ça. Parce que c'est un Jones. Oh, ça va. C'est un Jones de 40 ans, bientôt. C'est un Jones de 40 ans. Mais c'est vrai que grâce à vous, par exemple, j'ai découvert, très tardivement, mais le film Les Affranchis. Que j'ai regardé grâce à vous et je vous en remercie parce que j'ai passé un super moment. Tu démarrais, c'est ça ? Avec le regretté Ray Liotta. Oui, j'ai beaucoup ri. Ça veut dire que ça t'a fait marrer, c'est ça ? C'est une blague dans les Affranchis. Non, c'est pas ça. C'est que j'allais refaire la scène. C'est la manière dont. Oui, enfin bon, bref. Voilà. Ah, le regret. Mais merci à vous et puis Ray Liotta. Et puis merci d'être venu parce que vous avez apporté beaucoup de joie et de bêtises à cet épisode et c'était chouette. Beaucoup de joie et de. Bien, c'était chouette. Beaucoup de joie et de quoi ? Parce que j'ai entendu le B de bêtises. Non, on n'a pas présume. Dit bite. On n'a pas. Non, dit j'ai entendu le B de bêtises et juste le the de bêtises. Donc je suis pas sûr d'avoir entendu le T du milieu dans ta non, phrase. On a dit bêtises. Non, d'accord. Oui, je suis désolé, du coup j'avais pas tout qui est arrivé. J'étais très content de vous avoir, qu'on vous reçoive dans l'émission, et puis on se retrouve bientôt. Oui. De toute façon. Mais vous saviez en nous invitant que ça allait être le bordel de toute façon. Un peu, voilà. Mais ça va. Hein. C'était un peu le bordel dans les classes. Ouais. Alors on n'a pas totalement fini, hein. On va pas se dire au revoir quand même, hein, puisqu'il y avait ce dernier morceau, hein, donc le Loir-et-Cher. Oui. J'ai identifié le département sur Twitter, hein, il a réagi plusieurs fois. Je me rappelle. Notamment, il a dit on est en train de chanter ou un truc comme ça. mais que fait le département 49? Voilà, donc si jamais vous allez à Blois ou à Chambord, hein, il sachez a que c'est t'es le qui. Loir. sachez que. Non, même pas. Ça a été cool. Je pense que le community manager du département du Loir-et-Cher doit savoir que c'est quand même un peu le seul département de France à avoir une chanson à son nom. Hein oui, là, je comme pense. Ça, attends. Je suis pas sûr que Pas-de-Calais soit une titre de chanson. Non, là je sais. N'aurait pas l'Alsace et la Lorraine. Attends, deux secondes. Wikipédia. Attends, Wikipédia, nom de chanson. L'Alsace et la Lorraine. Ça, c'est un message pour Draven et Julien. Vous n'aurez pas l'Alsace et la Lorraine. C'est ça. Malgré tout. Petit intermède de Michidar, pas du tout pendant l'émission, je suis en train de monter et comment on a pu passer à côté de ça au bout d'une heure 58 d'émission, peut-être qu'on était un peu fatigué, mais évidemment qu'il y a une autre chanson avec un département dedans, je ne sais pas si vous y aurez pensé, mais en plus ça nous permet d'aller encore plus loin dans le CTCU, le fameux Stucom Universe, puisqu'évidemment celui qui, on va en parler dans un instant dans l'émission, a chanté avec Michel Delpech le Loir-et-Cher sur son album de duo en 2006. Francis Cabrel, bien sûr, a chanté, et vous l'avez deviné, la dame de Haute-Savoie. Allons, on reprend l'émission. Donc, le Loir-et-Cher, que tout plein de gens ont chanté, mais aussi des gens de très, très bonne volonté qui ont très bien compris comment fonctionne l'émission et qui m'ont donc permis de, moi-même, faire une rubrique « Beethoven était con ». De nombreux mélomanes non comprenants sont persuadés que Beethoven était non-entendant. C'est faux. Beethoven n'était pas sourd. Beethoven était con. Et on remercie notre cycliste de l'extrême lyonnais, Grincheux, qui m'a donc envoyé ceci que je pense vous avez déjà entendu, mais là c'est lui qui le fait, donc c'est encore mieux. Ma famille habite dans le Loir-et-Cher. Ces gens-là ne font pas, non, ne font pas de manière. Ils passent l'automne à creuser des sillons, à retourner des hectares de terre, retourner des hectares de terre. Je n'ai jamais eu grand chose à leur dire, et je les ai depuis toujours. Oh, c'est génial. De temps en temps, je vais les voir. Je passe le dimanche dans le Loir-et-Cher. Mon Dieu. Donc merci vraiment Grincheux parce que voilà, merci, c'était pas simple pour ce moment. Ce fameux si vous le connaissiez pas, Delpech Mode, hein, bien sûr. mais qui est pas de nous, hein, qui est même pas de Grincheux non plus, mais que évidemment il m'a envoyé et il l'a chanté en plus de la chanson normale, le Loir-et-Cher, auquel ont participé donc nos invités, nous-mêmes, mais aussi alors tout un tas d'habitués, alors et des nouveaux aussi. Donc je vais tous les dire à la Allez, suite. Vas-y. Alors, allez. Donc Michida Rego, Bibou Bibounette, ça fait déjà 4. Dahu, Dodoy, Alex, Papillal, Oukouk, Gauthier, Clégo, Delphinelli, Julien, Julie, David, Yannick et son fils Maxime, ah, yes. Loli, Laurent Doucet, Aline, Shaokun, Fox, Grincheux, G-Code, Sandra, oui. Elsa, Malik, oui. Coucou papa, ton Anaïs, papa. Corinne, Amélie, Marie, qui sont des gens qui ont été ramenés par mon père, qui fait lui aussi de la pub. C'est génial. Mais super. Aussi une chorale improvisée de ce que j'ai cru comprendre chez Bibou et Bibounette, avec notamment Violaine, Winnie Taniguchi et Shoutan. Et enfin, l'équipe de l'apéro original qui m'a envoyé sa contribution hier. Alors, est-ce que j'ai oublié des gens qui étaient dans qui chantaient dans ce qui m'a été envoyé de votre anniversaire? Je pense que ça devait être une sauterie que vous avez fait. Non, c'était pour mon anniversaire. Il y a juste moi qui chante, je crois, avec Violaine aussi. Tu dois m'entendre sur la vidéo. Et oui, il y a voilà. Tout autour, il y avait du monde. Tu dois entendre des chœurs et il y avait pas mal de monde sur la terrasse. Oui, il y avait du monde. Alors, donc tous les invités, du coup, hein, la chorale improvisée. La chorale improvisée, c'est ça. Donc, il y avait Stéphanie qui fait partie de la team cuisine, qui est la femme de Shoutan. Il y avait Poppy et Tocheux, je crois qu'ils étaient déjà partis. Il y avait Clégo. Non, il y avait du monde. Il y avait Mais Clégo, il m'a envoyé. Ouais, Redscape aussi, ouais, était dedans, parce que Redscape n'avait pas envoyé. Évidemment. Normalement, dans les chœurs du bordel que t'as envoyé, Winnie, y a de quoi faire. Ouais. Voilà. Alors, on entend très bien Violaine, par contre. Oui, c'était le but. Y a pas de problème. Donc, écoutez, avant de lancer ce Loir-et-Cher, merci à nos invités. Mais merci mille fois à vous deux. Merci d'avoir joué le jeu, parce que c'était pas simple. Hein. Non. On le dit souvent et on l'a pas dit une seule fois de l'émission, mais on va le redire. Chanter, c'est se mettre à poil. C'est ça. Chanter, c'est sortir de sa zone de confort. C'est tout sauf facile. Y a des gens qui arrivent, il y a des gens qui arrivent moins facilement, mais tout le monde peut y arriver. Qui se poussent et qui le font. Donc tout le monde peut y arriver. On vous le prouve aussi parce que quand vous chantez tous ensemble sur la chanson finale, bah, ça rend vachement bien. Et je trouve même que certains et certaines font des progrès. Et que c'est de plus en plus maîtrisé. Il y en a qui ont changé leur setup d'ailleurs pour que ça sonne encore mieux. Ouais. Alors il y en a qui demandent des conseils matos et des conseils enregistrement aussi. Donc ça fait plaisir qu'on soit là pour ça. Qui veulent s'améliorer. Voilà, merci à tous, vraiment. Merci encore à Vaudio, hein, notre hébergeur quand même. Merci Bad Geek, merci Vaudio. Merci Vaudio et merci Bad Geek. Merci Bibou. Alors le Patreon encore de vraiment. C'est sur le OnlyFan, tout comme. Le OnlyFan Ego, les épées, les loups. Merci à vous deux en tout cas de nous avoir reçus ce soir chez vous dans le studio Stucom. C'était vraiment agréable. Merci d'avoir été dans les tout premiers à nous écouter, à nous suivre, à nous encourager. Ça a été un plaisir d'être avec vous ce soir au micro. Et c'était un plaisir et c'est toujours un plaisir. Et j'avoue que quand on doit à chaque émission enregistrer la petite musique de fin d'émission, c'est toujours un plaisir, la préparation avec Bibounette. C'est un peu un rituel. On se dit, voilà, c'est quoi la chanson finale ? Et c'est vrai qu'on passe vraiment un super moment, déjà l'émission à vous écouter et puis à enregistrer la chanson finale. C'est voilà. On vous aime, les chouchous. Cœur sur vous. Merci, les chouchous. Et cœur sur vous également. Et dernier petit cadeau parce que voilà. Hein. Ça avait beaucoup plu à l'issue de Podren. Donc j'ai refait la chanson finale en version vidéo avec les prénoms des gens qui chantent. Je la mettrai en description de l'épisode. Et vous pourrez donc aller voir sur les archives.net. Cette vidéo du Loir-et-Cher pour savoir qui chante, parce qu'à chaque fois on me dit oui, alors je me suis pas entendu chanter, je sais pas quand est-ce que je passe. Regardez, il y a les noms et il se fâche. et j'ai fait un petit mixage aux petits oignons où hormis à qui se retrouve à être dans un groupe de trois, mais tout le monde est par deux en fait. Voilà. C'est une spéciale couple. Voilà. Coucou, c'est Remichidar en direct du studio pendant le montage. Je vous explique. Hein, quasiment tout le monde est par deux, sauf en effet Ego qui est dans un groupe de trois. Et une des voix s'était égarée dans le mixage. Je l'ai rajoutée, ce qui veut dire qu'il y a un groupe de trois, le groupe dans lequel est Loli, où vous êtes trois. Mais tout ça rend vachement bien. Je suis super fier de vous. Continuez comme ça. Moi, je chante avec un petit peu avec Yannick et son fils. Voilà, c'est ça. C'est pas Yannick et son fils. C'est quelqu'un. Non, je suis quasiment sûr que non. Ah. Le fils de Yannick, Maxime, il est sur le refrain. D'accord. Ça doit être. Je ne sais pas. Bon. Vous verrez sur la vidéo. D'accord. Voilà. Ça marche. Salut tout le monde. À la prochaine. Portez-vous bien. Gros bisous. Bisous les chouchous. Pour le Loir-et-Cher. Ciao. Salut. Ok. Alors, on est parti donc pour le Loir-et-Cher. C'est pour vous les chouchous. Ah, c'est parti. Bisous les chouchous. Ma famille habite dans le Loir-et-Cher. Ces gens-là ne font pas de manière. Ils passent tout l'automne à creuser des sillons, à tourner des étapes. Je n'ai jamais vu grand-chose à leur dire, mais je les aime depuis toujours. De temps en temps, je vais les voir. Je passe le dimanche dans Loir-et-Cher. Ils me disent, tu vis sans jamais voir un cheval à hibou. Ils me disent, tu n'as rien vu, même pour pêcher un poisson, tu ne penses plus à nous. On dirait que ça gêne de marcher dans la boue. Je leur dis qu'il faut que je rentre sur Paris, que je ne fais pas toujours ce que je veux. Et qu'il faut que je trouve encore un bol d'essence, que j'ai pas le temps de finir ma bière, que je viendrai un dimanche, passer la nuit dans le noir et cher. Ils me disent, tu dis sans jamais voir un cheval à égout. Ils me disent, tu viens bien, même pour pêcher un poisson, tu ne penses plus à nous. Avouez, et non pas à Chanchan, c'est pour monsieur le temps de dire des conneries. Bah, c'est quand même plus de Je sais pas, il est obligé de descendre et de monter. Je peux pas. Des paillettes. Je sais pas, j'en fais. Je crois quand même que je vais leur faire un coup parce que là, j'ai pas ma bague de la bière de la bafouiller. T'as bloqué sur une seule phrase, c'est quand il parle de la bière. Ah ouais. Et on dit merci de qui ? Bah, on dit merci la vie. On dirait que ça gêne de marcher dans la boue. What? On dirait que ça gêne de marcher avec nous. C'est on dirait que ça gêne de marcher dans la boue. What? On dirait que ça gêne de dîner avec nous. Je peux pas tenir le micro en même temps, c'est pas possible. On termine jamais. Bon, là, franchement, c'est toujours bon. Merci. Michita, Echo, Bipou, Bipou de Bête, on vous aime. J'ai trop hâte d'écouter votre épisode avec Bipou et Bipounette. Bien, merci encore pour cette partie de rigolage. Voilà, j'espère que ça suffira. Des bisous, tout comme... Ouais, c'était bof bof, hein, tout ça. Bon, bah voilà, finalement, ça valait le coup quand même de m'entraîner et de m'entraîner et de m'entraîner encore dans ma voiture. Donc, bah voilà, j'espère que c'était pas trop mal. Salut! Bon, allez, je la refais. Attends, pourquoi tu la refais? Écoute déjà ce que t'as fait. Parce que j'ai bafouillé, parce que j'ai... Non, mais écoute ce que t'as fait. Il y a Mogor derrière qui me dit qu'il faut que j'écoute ce que j'ai fait d'abord. Mais je sais que j'ai bafouillé, je non, le sais. Écoute ce que t'as fait. Pourquoi, tu veux pas m'entendre chanter, c'est pour ça? Je crois qu'elle veut pas m'entendre chanter. Non, mais je laisse pour les bloopers. On dirait que ça gêne de marcher dans la boue. On dirait que ça gêne de dîner avec nous.